Mardi le 23 avril 2014, mon nom est André Paquette, bienvenue au Geek Collectif, épisode 39, on approche du 40e les boys, oui. Dans pas long. Ça va être une grosse émission la 40e en passant. Une très grosse émission. Les feux d'artifice pis tout. Ouais. À Ottawa, c'est on le va premier. À Rome? Non, ok, je pense que tu le savais là. On s'en va à Ottawa le 1er juillet, j'étais pas au courant. Ben écoute... Merci. Mon momentum, bâtard. Donc, non, c'est ça, 40e épisode, on part à Ottawa. Oui. Ottawa pour le Ottawa Comic-Con. Et donc, le festival du boc à bière barbu en forme de... Non, j'ai scrappé du Pérus, moi, là. Le 9, 10 et 11 mai prochain, on s'en va là-bas pour faire la couverture de l'événement. On va avoir Nick qui fait un comeback en plus. Oui. Pour les gens qui ont écouté le podcast depuis le début, on avait Nicolas Desnommiers qui était avec nous. Puis il décide de revenir prêter main forte pour couvrir un événement qui va être fort en contenu. Beaucoup d'artistes, beaucoup d'invités spéciaux. Il va y avoir Bruce Campbell. C'est quand même big, ça, là. Oui, puis on va l'avoir comme invité aussi le samedi soir. Écoute, si on a Bruce Campbell comme invité le samedi soir, honnêtement, là, on fait un spécial podcast de 4 heures de temps. Je pense qu'après ça, on peut prendre notre retraite du podcasting. Puis, ça finit là. Comme Internet me corrige en temps réel, effectivement, nous sommes bel et bien mercredi le 23 et non mardi le 23. Ah, là, t'es en vacances, c'est ça. Fou, je suis en vacances. Je peux me permettre de travailler sur d'autres projets. Puis, comme j'ai accumulé un petit peu de retard, hein, c'est intemporel. C'est le fil. Hein? Mais Milter et Eric, bienvenue. Oui, bienvenue. Comment ça va, vous autres? Très bien. Là, c'est le temps de l'actualité. Cool. Mais c'est qui commence? C'est moi qui commence? Je pense que tu vas commencer, Eric, cette semaine. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'arrive de palpitant dans ta vie. Il y a plein de choses cool. Je vais pas en parler trop parce que je sais que Milter, on va le partir là-dessus puis il pourra pas arrêter, mais je suis un fan de hockey puis on est en série, fait qu'il faut bien que j'en parle un peu. Ah. T'aimes pas en 5, hein, Milter? Ah. Mais Boston, ouais, en 5, Boston. J'ai été assez chanceux. En plus, j'étais allé voir la première game qu'ils ont eu ici à Montréal. Wow. Je me suis gâté vraiment avec ça. J'étais allé comme un fou. Palate, y étais-tu là? C'est Palate. Palate. C'est quoi, t'aimes pas là? Oui, ben ils sont tous là. Ok, non, mais pourquoi qu'ils étaient pas là? Pourquoi tu pensais qu'ils c'est seraient mon pas préféré. Là? Ou... C'est pas eux autres qui ont fini à banquise, je pense. J'avais vu une photo virale de quoi de même. Là. Ils ont fait leur after party à banquise. Ben c'est parce que c'est juste ça qu'ils peuvent se permettre quand ils s'en allent au terrain de golf. Tu sais, t'as pas de bonus, tu finis à banquise quand t'es à Montréal. Là. C'est ouais, pas compliqué. Écoute, après une bonne brosse, hein, tu t'en vas manger ben, une bonne poutine. Je suis sûr qu'eux autres s'en ont sauté une belle bonne à Ottawa après. Là, tu veux boire un peu. Mais ouais, je suis très bien raide là-dessus. Fait que je suis bien content qu'on avance à la deuxième ronde. Puis à part de ça, il y a la télé, là. Moi, c'est comme le nouveau automne, on dirait. Parce que moi, pour la télé, là, je suis bien... moi, c'est Mad Men, puis les Game of Thrones. Ça fait une couple d'années que je suis comme un fou, puis on est les deux premières. C'est aussi Scandale, je pense, ou quelque chose comme ouais. ça? Ouais. Tu m'as parlé un peu. Wow. Oui, ça, c'est bon. C'est en plus que tu mets ça sur le spot, parce que, tu sais, moi et ma femme, on aime ça. T'sais, moi, je chill sur l'iPad en buvant du vin ou une bière ou du thé, dépendamment sur la journée de la semaine. Juste mettre les gens qui nous écoutent en contexte aussi, c'est parce que Eric, random, je reçois un message Facebook, et quoi, il est 11h le soir, puis c'est comme, mettons, elle susurre à l'oreille de l'homme avant de lui tailler une pipe ou un affaire à la main. Là, je fais, Eric, non, je t'aime d'où, mais de quoi tu me parles? Non, c'était mieux que ça, là, c'était parce que je t'entends, tout ce que je t'en ai fait, c'est que je t'entends te lancer des quotes de Scandal, ben, c'est ça, mais... que je t'entends de ramasser, que je trouvais écœurant. Pas de contexte, rien, là, fret sec de même. Là. Mais c'est parce que quand je le disais à ma femme, tu sais, je regardais Julie, là, puis je serais en train de jouer à Hearthstone, puis... Pis là, Julie est là, pis y a une ligne qui passe genre comme en anglais, là, t'as la fille carrément qui est là, pis elle dit « We've changed the country once, aren't you, isn't that enough? » Pis pas trop longtemps après, le président des États-Unis mange comme carrément oralement la fille, pis ça coupe à une scène un autre scène après. Tu vois pas le head, là, mais tu vois qu'est-ce qui se passe. HBO l'aurait montré, eux autres. Mais c'est ça, mais ça, ouais. J'écoute pas ça. Ça merci, c'est ça, je regarde The Scandal du coin de l'œil. Quand ma femme regarde des shows, c'est pas des shows que j'embarquerais dedans, mais c'est du Christy de bonbon stupide, ces affaires-là. Puis moi, je ris au mauvais moment. Elle apprécie pas que je ris. Il y a des places où ce que je ris, puis elle est insultée que j'ai ri de ça. Puis là, après ça, il y a comme genre l'adjoint du président qui est un redneck qui dit une vraie joke plate. Puis elle dit « Ça, c'était drôle. » Je suis comme « Non, c'était les 15 autres choses qu'on a écoutées avant ça qui étaient drôles. » Puis c'est ça qui fait ce... Je suis pareil. Ouais, mais c'est parce que ça dépend. Parce que du point de vue féminin, je suis sûr qu'elle doit se dire « Tu ris de mon émission. » Mais moi, c'est parce que qu'est-ce que je me suis fait expliquer... OK. Puis je continue de le faire comme un cave. On est toutes caves quand ça vient à ça. Mais qu'est-ce qu'elle a décidé de m'expliquer une fois, c'était que elle est au courant que c'est Keten et poche. J'ai pas besoin de lui rappeler. Moi, c'est vrai. Ça qu'est-ce que je me suis fait dire. Moi, c'est plus je ris des films d'autistes à ma blonde. Elle me regarde, oh, arrête de rire, tu comprends juste c'est pas. C'est ça, toi tu riais de masque quand toi t'es comme Cher. C'était lui, ce qui est laid. Non, pas pour le physique, mais les. C'était cruel, les c'était cheesy, ouais, c'était très cruel. Hey, écoute, moi, 2 heures de film avec Cher dedans. Là. C'est cruel. C'est cruel, comme ça se peut pas. Mais ouais, j'ai écouté Scandal, merci André. Mais j'ai écouté, je retrippe aussi ben raide sur les. Sur les Mad Men, puis sur les Game of Thrones qui ont commencé. Mm-hmm. Puis Game of Thrones, je m'excuse, je vais le dire, je vais faire un gros spoiler de Red Sit, il y a des saints. Puis... Il n'y a pas juste ça, je pense. Il n'y a pas juste ça. Je vais pas dire les spoilers, par exemple, là, mais il y a du monde qui meurt, mais c'est pas un spoiler, ça. Cela dit, j'ai l'impression qu'ils font des scènes de sexe gratuites qui sont même pas dans les livres, juste pour faire des scènes de sexe gratuites en ce moment. 3 lettres pour toi. La bonne TV. HBO. Oui, mais c'est ça, je le comprends, ça. Mais whatever, c'est vraiment bon. On est rendu à 2 dans la saison, puis je capote ben raide. Puis j'ai ma femme qui a lu toute la série. Moi, j'en avais lu 2. Mais ma femme qui a lu toute la série, elle, puis elle me donne toujours des updates sur qu'est-ce qui se passe, puis j'aime des me faire spoiler. Des updates ou des spoilers? Des updates, non, c'est des livres. Okay. Ça, c'est justement un sujet que je voulais parler de brefement. Là. Les gens qui chialent des spoilers, là. J'ai fait la joke une couple de fois sur Internet, là, mais c'est des sesties de livres, là. C'est pas des spoilers. Là. Je veux dire, c'est pas un, comme... Le livre est disponible, tu peux aller le lire par ton propre choix. Il y a plein de gens qui l'ont lu et qui apprécient la série. Moi, je suggère aux gens de lire. Moi, je m'en fous, là. Je veux dire, j'aime bien, mais les gens qui, comme je comprends pas, c'est, tu sais, comme Stephen King l'a dit de mieux, le spoiler, Roméo et Juliette se tuent à la fin, là. Je veux dire, est-ce que vous êtes correct avec ça? Mais ce que j'aime bien, spoiler là, warning, suicide. Sur le même sujet, Eric, là, ce que j'aime bien en plus, c'est que les gens, ils chialaient un petit peu sur... Ah, ben là, il y a du monde qui ont spoilé Game of Thrones, c'était kit. Êtes-vous au courant qu'il y a une application qui est sortie? Qui est une extension pour certains furteurs internet qui s'appelle The Silencer. Voulant dire que cette application-là, une fois installée dans Google Chrome, je crois qu'elle est disponible pour Firefox également, ça permet de bloquer certaines phrases qui contiennent un certain mot. Donc, voulant dire, mettons, comme Game of Thrones, mort, Parce le que nain, pas... mettez le nain. Le nain, le nain. Es-tu mort, le nain? Je sais pas, j'ai mais pas vu le troisième épisode. Deuxième, ah, mais... pour de vrai, oh, shit. Est-ce que ça marche pour des podcasts? Attends, Ned Stark. Fuck mettons off. Ned Stark, OK? Ned Stark. C'est le shocker, là, il est mort dans saison 1, tu l'as pas écouté tout de suite, là. Just too fucking bad pour toi. Là. C'est pas le nain, mais, ça. Mais grosso modo, non, Ned Stark, il est encore plus petit que le nain. Pour de vrai? Ah oui, c'était cœur. C'est quoi, un nain-nain? Non, mais je n'y ai pas. Okay, continue. Okay. Mais grosso modo, Silencer, c'est ça, c'est qu'il va analyser le contenu, que ce soit Facebook, que ce soit une page web, peu importe, puis il va bloquer le contenu de spoiler potentiel. Ah, oh, c'est de la merde, ça. C'est rendu à mettre des add-ons là, pour bloquer des... Ben, des, moi, des, au contraire, mais je trouve ça cool. Mais il y a plein de pubs partout, par exemple. Ouais, ouais tu vois quand même ta pub d'Adult Friend Finder, qui offre un service excellent pour les gens qui s'abonnent à son pareil. Ils sont tous proches du site, en plus, les filles-là. Écoute, sont toutes c'est hein. Jamais des Russes, puis c'est toujours proche de chez nous. Puis honnêtement, là, regarde, écoute, c'est pas parce que c'est un nouveau sponsor du Geek Collectif, mais Adult Friend Finder, c'est comme geekcollectif.adultfriendfinder.com. Là, je viens de le dire, il y a des gens qui l'essayent. Allez tout de suite installer Malwarebytes ou quelque chose comme ça. Mais grosso modo, il y a un add-on chiant, pour bloquer les spoilers. Puis on est rendu là, fine. Mais cela dit, Milter, par exemple, je sais que t'aimes pas ça médiéval, mais la fin de la première émission de cette saison, comme fan de nains, je te garantis que tu tripes. Il y a une très belle scène de nain. Puis je te suggère une de la regarder. Belle scène de nain. Puis c'est ça. Puis Mad Men, je la regarde. Puis je m'excuse. Moi, je trouve que c'est quand ça vient à la profondeur des personnages, il y a rien qui vaut ça en ce moment. C'est vraiment. Faudrait que j'écoute, parce que j'ai pas commencé. Parce que j'écoute le nouveau Mad Men. J'écoute Suits. Ouais, ben je vais t'avouer. Non, mais c'est pas comme c'est pas pareil que Suits. Mais c'est sûr que c'est différent. La c'est... pub, le non, mais c'est aussi l'innocence des États-Unis qui meurt. C'est plus gros que comme tu comprends ce que je veux dire. Oh, oui. C'est la grosse image des États-Unis, puis d'une époque qui meurt, puis d'un homme que tu sais pas s'il va atterrir sur ses pieds après cette grande aventure. Mais c'est vraiment écœurant. J'ai trippé bien raide. C'est ça, j'ai pas grand autre chose à dire. J'ai vu Frozen, c'est correct. T'as-tu chanté et pleuré dans Frozen? J'ai Let It Go, c'est une bonne chanson. Est-ce qu'elle méritait son Oscar? Oui. OK. Let It Go, c'est quand même cool. C'est juste que je comprends pas, un peu comme dans le Honest Trailer, j'ai vu, puis c'est un très bon point. Comme on dirait qu'ils ont ils donnent l'impression qu'il y a une économie d'exportation de glace au début de Frozen, puis ils sont tous tristes qu'ils sont dans un univers éternel. Fait que je comprends pas ça. Attends, OK, fait que c'est un peu comme les nains voleurs de bobettes dans South Park, là, que l'étape 1, c'est ils volent les bobettes, puis l'étape 3, c'est le profit. Mais l'étape 2, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe finalement. Ouais. Fait que Frozen, leur économie, c'est ils ont de la glace. Ils vendaient de la glace un moment donné, puis ils faisaient de l'argent, mais là, ils sont dans un univers éternel, puis... OK. C'est un bon show, là. Je sais pas si j'ai rien d'autre à dire. T'as-tu vu toutes les easter eggs du film? Non, j'ai pas d'enfant, mais autour, je creuse pas à ce point-là. Toutes les autres filles qui sont... Ah, je pensais par easter eggs, tu voulais parler des pénis cachés à Walt Disney. Non, c'est d'autres choses. OK. Non, vraiment... Il y a plein de princesses de d'autres films qui sont cachées, genre, dans le film. Ouais, j'avais vu un genre de mime là-dessus, mais là, Internet m'a trahi à quelques reprises ces temps-ci, fait que ouais, moi, je trosse plus, là, mais je sais qu'ils ont touché un petit peu le Little Mermaid, là, ça a l'air que le bateau qui part, ses parents... Spoiler alert! Ouais, tu vois des petits bouts. Les parents meurent au début, deal with it, c'est Frozen, je suis un rebelle comme ça, moi. Tout le monde crève. Puis leur bateau fait un ferry coréen. Le petit bonhomme de neige, puis, il meurt. Hein? Le petit bonhomme de neige, il meurt. Ils font. J'ai pas vu encore. C'était pour niaiser le côté. Non, mais dis-tu quoi, c'est un Disney classique. Là. S'il y a de quoi que je peux reprocher à ce film, pas reprocher, c'est que ça rapporte vraiment qu'est-ce qui est les films. Puis on a tous à peu près la même âge. On a tous vu les Aladdin, les Beauty and the Beast, les Lion King un peu. Milter, je sais que t'avais le poster dans ta chambre, je pense, tu m'avais dit. Ben oui, je l'ai encore. Ben, lui, il a la bête en chest au-dessus de son lit. Là. J'ai le buste du babouin qui tient Simba, genre, en gros, c'est mon bureau. Collector's Edition, signé par Walt Disney lui-même. Ben c'est ça, mes nouvelles random. Là. J'essaie de faire ça plein de petites choses. OK. Puis Blizzard, ils ont un peu mouru à cause de les Choppers, là. Mais ça, c'est un autre affaire. Là. American Choppers. J'aime bien Blizzard, mais si je la comprends pas, ben, tu sais. Parlant des mémos un peu, moi je vais me permettre d'embarquer. Je vais tout en dernier puis je casse le momentum cette fois-ci. Ah, je peux-tu faire la référence que j'ai fait un bon segway? High five. High five? Ouais, c'est un bon segway. C'est un podcast segway high five. On fait des segways de la mort. Chaque bon segway, il faut que vous buvez une gorgée chez vous. Ouais, à chaque bon segway. Exactement. Incluant ici pour moi. Donc, au niveau MMO, j'étais en vacances puis j'ai décidé de commencer à jouer à Elder Scrolls Online. C'est plus bêta, là. Non, là, il est... Là, c'est le vrai, là. Au prix qu'il a coûté, c'est le vrai jeu, je te certifie. On dirait que le monde était plus hypé pour le bêta que le jeu qui sort, parce que j'ai plus entendu parler du bêta sur mes réseaux sociaux que le jeu. Ouais, ben, le jeu s'est fait ramasser. J'ai vu bien des reviews, j'ai vu bien des critiques, puis le jeu s'est fait ramasser. Moi, je vais vous expliquer... Peut-être un peu cave, mais j'étais en train de jouer à un MMO, un jeu de rôle massivement multijoueur. Puis, je le joue comme un jeu à single player. Mais si tu peux faire ça avec toutes les MMO de nos jours. Ben, écoute, World of Warcraft, absolument. Je vais le faire. Mais moi, dans le temps que j'ai commencé au début, à un moment donné, ça devenait tough. T'avais pas le choix de faire des dungeons. Ben là, c'est tout fait, mais c'est comme ça. Ils ont tout changé. Moi, je l'ai fait, comme tu dis, World of Warcraft, quand je jouais, là, c'était beaucoup tout seul, puis rarement j'avais du monde. Même que quand je rencontrais du monde, ils me regardaient, puis comme, t'es tout seul? Ouais. Ils me donnaient un shitload d'affaires. Ouais, j'étais comme, du gold, du gear? Ils me donnaient tout. Là. Pauvre, toi, t'étais comme le Rémi sans famille de World of Warcraft. J'arrivais, je faisais des donjons matchés avec du monde random, là, puis ils maïssaient quand je courais dans le tas. Puis... Fait qu'Elder Scrolls Online. Ouais, Elder Scrolls Online, grosso modo... C'est Skyrim avec des graphiques un peu plus légers. Ouais, c'est ça l'est très plus beau, léger. Par exemple. Tu sais, je me rappelle quand on en a parlé dans le bêta, je pense que t'étais peut-être pogné dans le Ponvio Laval de Tamriel. Pas en tout. Parce que c'était tout gris-brun, là, où ce que t'étais. Non, mais j'ai... Regarde, si tu me mets sur le spot, là... J'étais allé quand même assez loin dans le jeu. J'ai voyagé à une place qui avait des champignons aussi à un moment. C'était quand Morrowind. Même Morrowind. Longueuil. Ouais, c'est Morrowind, en fait, ouais. Puis, le Longueuil de Tamriel. Désolé, là, mais prends Skyrim, mets-les dans le tapis, à côté de Elder Scrolls dans le tapis. C'est pas non, c'est sûr. La même game. Là. Ouais, mais d'un autre côté, mes attentes n'étaient pas à un vrai Skyrim. Ben, je comprends une architecture. Mais c'est ça l'affaire. Mes attentes étaient... C'est un jeu de rôle en ligne, ça sera pas Skyrim, mais c'est très mais beau. Tu t'es par fait contre. Baisser tes attentes avant d'embarquer dedans ouais. aussi. Puis ça, je m'excuse, mais ça, c'est un pro tip que je donne pour n'importe qui veut apprécier un jeu. Laisse tes attentes se faire baisser avant, puis après, va jouer. Mais grosso modo, c'est ça. L'histoire est bonne, c'est génial. Au début, j'ai acheté le jeu tout seul. Je me suis dit, j'ai pas besoin d'être un impérial, de la merde. Puis après 10 heures de tuer des méchants qui me donnent une pièce d'or chaque, puis que j'ai tué mon premier gros monstre dans le jeu puis qui m'a donné 2 pièces d'or, puis j'ai vu qu'un cheval coûtait 14 700 $ dans le jeu. Ceux qui font le calcul rapide, ça en fait tabarnak des mobs à tuer. Ben, faut-tu jouer longtemps. Ça doit scaler. Fait que j'ai sorti mon compte PayPal, puis j'ai acheté l'upgrade pour le Collector's Edition. Ah, t'es ce genre de personne-là, toi. Ouais, regarde, je voulais avoir mon cheval tout de suite. Apparemment que tu pouvais pas être impérial sans payer le 20$. Ça, je m'en calisse un peu, mais je me suis acheté un cheval. Yeah, fuck it, là, je l'admets. Là. Mon précieux temps, parce que le jeu, là, on s'entend, moi, je sais même pas si je vais repayer un autre 15$ André, par mois. T'as acheté l'armure hein, dans Oblivion. Je l'avais acheté, puis je l'ai parlé d'un autre podcast, puis je l'avais acheté l'armure de cheval. Oh, tes chevals peuvent mourir dans Skyrim. Je sais même pas. Mais il y a une pièce. Fait que c'est pas super. Je pense qu'ils peuvent mourir. Ils respawn pas. J'espère. T'es en train de dire que quand t'as ton cheval. Parce que ça, je me suis pas rendu là, mais quand t'as un cheval dans le jeu, tu peux te débarquer et ton cheval reste là. Non. Ah, ok. Non. Fait que peut-être. Yeah, écoute, je m'avance. Là, je sais pas. Peut-être qu'il peut mourir. Mais peut-être qu'il peut pas mourir aussi. Mais je sais qu'il coûte une pièce la crise de cheval quand t'as payé le 20$ de plus. Fait que ça, c'est pas super. Mais, regarde, ça me donne 15% de vitesse de plus au début du jeu. Tout le monde est en cheval auto. Puis sais-tu pourquoi je l'ai payé le 20$? J'ai eu un moment, puis je t'en parlais dans le chat tantôt, Eric. J'étais dans le jeu, puis pendant à peu près X nombre de temps, je me promenais à côté d'une ville, puis ça avait l'air désaffecté, je sais pas trop quoi. Puis là, t'as comme 40 gars qui sont autour de la ville, puis ils bougent pas. Puis là, je fais « Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais-tu me faire rape dans le jeu? C'est quoi qui se passe? Éventuellement, c'est une zone PVP, puis je suis dans la merde, je vais me faire tuer. » Ils embarquent tous sur leur cheval puis ils partent à galoper dans la même direction en même temps. J'ai fait « Wow ». Puis ça m'a fait dépenser 20$. Cette direction-là, c'était-tu toi? Ou... Non, okay. Écoute, ça venait d'un autre place. Je pense que ça venait d'un raid ou je sais pas trop quoi, mais c'était cool. C'était une guilde au complet. C'était un moment là. MMO que c'était un moment là. MMO le fun. Parce que ouais. Là, en plus, les graphiques sont beaux puis j'étais en first-person shooter, tu te quittes. Te rappelles-tu vivre ça les premiers moments que tu as des MMO juste avec la personne qui est en avant de toi puis t'es comme « Ça, c'est une vraie personne. Ça, c'est une vraie personne. Ça, c'est une vraie personne. » Ultima Online. Ouais, c'est hallucinant. Ça, là, j'ai jamais joué à Ultima Online. Moi, j'ai comme je l'avais essayé, mais ça, dans le temps, c'était pas mon style. Fait que, tu sais, grosso modo, c'est pas mal ça. Ouais. C'est des moments MMO. C'est un jeu qui est le fun. 59,95 plus, mettons, l'abonnement de 15$ par mois. Il y a un mois d'inclus gratuit. Fait que je me suis dit, à la limite, je viens de m'acheter un Skyrim un peu moins beau à 60$. Je vais jouer un mois puis je vais le canceller. Je me suis fait fourrer, j'ai payé un 20$ de plus. Mais non, je me suis pas fait fourrer, parce que regarde... Tu vas pouvoir en profiter plus vite. Ouais, à peine oui. Je comprends, Mike Frank, je comprends ton point de vue, parce que moi, quand j'ai commencé à... Wow, parce que c'est le seul jeu vraiment que j'ai joué un peu, pour comparer. Avant, c'est quoi? C'était level 10 ou 20, là, avant d'avoir ton cheval? Là, c'était ou 40 chose. Au c'était début. 40 ben, moi, dans le temps, c'était là. Plus tard, fait que c'était genre 20. Okay, fallait-tu ouais. payer ta licence mais... pour pouvoir conduire, puis après ça, t'as installé le bordel. Moi, c'était juste ramasser assez d'argent, puis fallait que tu sois level 20. Là. Tu pouvais pas, t'étais pas capable de le conduire, ton cheval, avant. Puis juste ça, là, j'étais comme, ah, oh, c'est long, genre, là, pour arriver jusqu'à là, là. Puis finalement, genre, j'étais arrivé au level, là, il manquait l'argent, puis justement, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a donné de l'argent, il m'a dit, hey, t'as pas de cheval, t'es, clac, boum. Pas de troupe, puis sauf que c'était long le marché, là, puis je courais. Tu sais, gars, ça fait partie de l'expérience. Ben je voulais essayer, puis je suis en vacances. Là. Ben j'irai prendre 2 bières de moins aux 3 brasseurs ou une bière de moins à 20$. On s'entend, mais c'est rendu assez cher sortir de la maison. Mais il y a ça qui se passe présentement. J'ai commencé à écouter ces gars-là aussi avec Sugar Sammy puis Simon Olivier Fecto. Hein? J'avais jamais écouté ça, puis je voyais des memes se promener sur Facebook. Puis honnêtement, je suis allé les écouter. Ils sont tous sur le site de VTL. Je pense qu'ils sont sur Illico aussi. Ben, les memes sont sur le site de VTV parce que t'as l'épisode, tu peux l'écouter, puis en bas, t'as toutes les memes qui sont là. Okay, ouais. Puis honnêtement... Oh boy, ils ont un organisateur web branché. Il est branché, leur gars web, pareil. Puis c'est cool parce qu'ils ciblent vraiment les bons moments du show. Puis je me suis claqué comme les 5 premiers épisodes à matin, back-à-back. Puis c'est vraiment bon. Regarde, ouais, c'est 20 minutes, c'est rapide, aussi. J'aime l'humour, c'est trash. C'est très québécois parce que c'est pas juste le côté... Tu sais, t'as un épisode où Sugar Sammy rencontre la femme de ses rêves puis il se rend compte qu'il est un séparatiste. Mais tu sais, lui... immigré franco-québécois, ouais. Canadien. Puis tu sais, c'est comme ça clash ensemble. Puis ils ont un humour très absurde que j'aime beaucoup, tu sais. Puis. Il y a absurde, puis il y a vrai un peu, parce que dans le show, j'ai un ami qui me fait vraiment penser à comment Sugar Sammy y est avec les femmes. Ben oui. Le côté full ben c'est très macho, caricaturé, tu sais. C'est très. Ils prennent la réalité, puis ils vont jouer beaucoup avec ça. Ouais. Mais ça, bon, ça me fait triper. Là, il y a une affaire que je veux faire avant de te passer le micro, Milter, c'est qu'on a eu une question de M. Dominique Garand, qui s'occupe du podcast Lobe Frontal, qui nous a écrit ça fait quelques moments, le 17 avril, on s'excuse, Dom, mais on n'a pas pu te répondre avant. Puis je voulais vous lire la question, puis on va prendre 5-10 minutes avant que tu fasses ton actualité, Milter. Go. Puis on va répondre à M. Garand. Il dit « Salut la gang, je suis le docteur Dominique Garand du podcast Lobe Frontal. » C'est un vrai docteur? Écoute, Dominique, t'es-tu un vrai docteur? Puis si oui, c'est vraiment cool. Puis sinon, c'est vraiment cool pareil, parce que c'est le premier docteur qui nous écrit. Je vous écris aujourd'hui comme « gamer », entre guillemets, avec la question suivante. Moi et mes enfants avons des iPads. Nous avons remarqué que de plus en plus de jeux demandent une connexion Internet, même les jeux sans gameplay en ligne. Les jeux refusent de s'ouvrir sans connexion. Souvent, les seules options Internet sont d'acheter des IAP ou encore les shares sur Facebook. C'est vraiment frustrant car nos iPads servent justement pour jouer sans connexion, comme dans la voiture par exemple. J'aimerais savoir ce que vous en pensez de ce trend. Doit-on tous ressortir nos Nintendo DS pour jouer hors ligne, Dominique? Moi j'ai mon téléphone cellulaire, je partage mon Internet au besoin. OK. Fait que pour moi, j'ai pas vu ces problèmes-là avec mon iPad, puis il y a plusieurs jeux mais qui jouent offline. Mais t'as-tu eu à le faire? Parce que moi, je vais être franc avec toi, mon gars, il joue beaucoup avec mon iPad. Peut-être parce qu'il est tout le temps connecté dans la maison en général. Je dois avouer que dans l'auto, j'ai jamais remarqué. Peut-être que ça se fait automatiquement, mais j'ai jamais eu à vivre un problème comme ça. Pis, ben, c'est vraiment le ouais. Si c'est le problème de share sur Facebook pour comme débloquer le mode, ben techniquement, si t'es dans le char et t'as pas de Wi-Fi, tu pourras pas plus le share sur Facebook. Mais moi, je suis dit, est-ce qu'il est pas correct avec le shareage parce qu'il faut qu'il soit en ligne ou... Ben, je pense que c'est une question à plusieurs niveaux. Je vais vous démystifier ça, mais puis on va y aller après. En ligne, peut-être qu'il veut dire qu'il faut que tu te fasses un compte Facebook exact. Tu sais, il faut absolument que tu le partages sur Facebook. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Le niveau numéro un, c'est premièrement, il y a des jeux qui demandent une connexion constante. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'en connais pas beaucoup, mais il y en a une couple. Le deuxième niveau, c'est ceux qui vont forcer de faire du in-application purchase, voulant dire, t'as pas d'accès. Comme mettons Clash of Titans, qui est un des meilleurs exemples que je peux penser. T'as plus d'argent ou d'élixir, ben là, faut que tu payes pour pouvoir continuer ta game. Fait que là, c'est du in-app purchase. Ou t'attends fond. Pendant 4 jours. Ben, moi, j'attends. Puis, sinon, le share sur Facebook. Fait que tu sais, dans le fond, il y a comme ces trois niveaux-là. Moi, je te dirais, Dominique, quand j'ai lu ta question, j'ai réfléchi un petit peu là-dessus. Puis Clash of Titans est un des jeux justement qui me vient en tête. Il va y avoir les Simpsons, les jeux. Partage sur Facebook pour avoir, mettons, ta planche de bois plus vite pour construire ta cabane. Ou bien, tu sais, paye maintenant pour avoir ton cheval dans Elder Scrolls Online. Mais si c'est là, c'est parce qu'il y a un marché pour ça. Ben, c'est ça, on c'est avait ça, parlé ça, c'est dans un problème, autre épisode. Mais ouais, mais c'est ça, le marché est là pour ça. Est-ce que c'est bon? Ben, moi, je trouve pas. Mais c'est pour ça que je joue d'autres choses. Mais il y a un marché pour ces jeux-là. Là. Je veux dire, Dungeon Keeper, c'est peut-être un des meilleurs exemples pour ça aussi. Là. Je veux dire, les gens chialaient que c'est pas le Dungeon Keeper qui se rappelle d'eux parce qu'il peut pas jouer à l'infini. Mais en même temps, il y a un marché pour ça. Il y a ça, aussi là. des hacks un peu, si on peut dire. Là. C'est pas des hacks de tu hackes ton iPad, mais des life hacks un peu. Là. Ma blonde a joué avec mon gars à Littlest Pet Shop, là. Puis l'application, la seule affaire que tu fais, c'est des mini-jeux, tu perds du temps, puis quand tu fais des mini-jeux, ça te donne des genres d'étoiles que tu peux gaspiller sur des nouveaux petits chats, puis des affaires de même que t'habilles, puis des conneries de même. Okay. Puis ma blonde, ben, tout le temps, c'est comme, bon, faut que j'aille 100 000 de ça, faut que j'encore je fasse ci. Puis si t'invitais des amis, ben ça gosse tout le monde sur Facebook, mais ça te donne plus d'argent ou ça te débloque des affaires ou quelque chose. Fait que tout du monde qui jouait à ça, mais qui voulait pas gosser leur ami Facebook puis déranger le monde en invitant puis en faisant des affaires de même, du monde qui savent très bien qu'ils s'en foutent de ces jeux-là ou quelque chose, ben ma blonde est allée sur Google avec une de ses amies qui jouait aussi pour son enfant, puis ils sont allés comme trouver des forums de monde qui font rien que s'échanger des codes entre okay. eux autres. Fait que tu sais, des fois, c'est de sortir un peu de ton cercle d'amis, puis de te dire, hey, je vais faire l'effort, Google it, bang, t'as tes codes d'amis, ma blonde a rentré tout ça en dedans d'une journée à débloquer de quoi qu'il aurait pris comme 8 mois à faire. Puis tu sais, c'était... Je pense que un des bons segments, Dominique, que je pourrais te recommander aussi, c'est qu'on a eu cette question-là dans l'épisode 33, si je ne me trompe pas, qui était le Ask Me Anything, où on avait eu des auditeurs qui nous avaient posé la question. Je t'inviterais à aller peut-être réécouter cet épisode-là. On va pouvoir y aller un peu plus en profondeur. Moi, je dirais juste change de jeu. C'est con à dire, mais... Ben, écoute, honnêtement, moi, je pense que c'est une tendance. Les jeux sont gratuits. Fait que y a pas rien de gratuit. Rien n'est gratuit à Waterworld. Je pense que c'est ça qu'ils ouais. disaient dans le film. Là, je peux pas ouais. le dire mieux qu'eux autres. Mais... grosso modo, le jeu il est gratuit, c'est sûr qu'il va avoir une pogne à un moment donné pour faire de l'argent avec. Fait qu'à ce moment-là, peut-être changer de jeu, peut-être s'orienter vers certains jeux à une pièce ou deux. De jeux, là, moi je joue beaucoup avec ma blonde Space Team. Team, tu peux jouer en connexion Bluetooth aussi à ce moment-là. Fait que ça, si tu peux occuper. La seule affaire, c'est que tu es obligé de faire des manœuvres avec l'iPad. Des fois, ça peut être dangereux un peu. Peut-être revoir la sélection de jeux. Effectivement, regarde, si ça vous bug tant que ça, puis vous avez déjà vos Nintendo DS. Retourner sur le Nintendo DS. Il y a des DS jeux que tu peux aussi. Acheter sur iPad aussi, là, si c'est ça qui te frustre à ce point-là. Oceanhorn, qui est un très bon clone de Zelda. Je m'en justement le dire, justement. Il y a XCOM qui est sorti aussi. Il y a des jeux payants, pas trop chers, qui sont le fun. Mais grosso modo, est-ce que c'est une tendance? Parce qu'il y a du monde qui paye de l'argent pour, c'est fini, tu peux pas rien en faire. Je l'ai fait une couple de fois dans certains jeux. J'entretiens peut-être pas un peu l'industrie en faisant ça. Mais je pense, oui, c'est une tendance qui est là. Ça va rester. Fait qu'on a le choix soit de l'accepter. Ou de jouer à d'autres choses. L'ignorer parce que. Déjà, moi, props pour toi, Dominique, parce que tes enfants ont des iPads pareil. Là. Fait que, c'est sûr, certains. Puis en plus, ils ont des DS parce que tu m'as insinué qu'ils pouvaient ressortir les DS. Fait que, vous avez quand même pas mal de choix de gaming présentement devant vous autres. L'important, là, regarde, oui, c'est de valeur de ne pas pouvoir jouer à notre jeu, des choses comme ça. Mais sinon, Eric, tu as un super de bon point. Quasiment tout le monde a un téléphone intelligent maintenant. Les forfaits sont rendus en moyenne à 2 gigs à peu près par forfait. Au puis minimum, quasiment 16 gigs. Ça coûte rien. Faites un hotspot avec vos téléphones, mon pays, puis essayez de bypasser ça. D'un autre côté, regarde, on peut essayer de combattre la machine, mais la meilleure manière de combattre la machine, ça va être de ne pas utiliser ces services-là, puis de jouer à d'autres choses. Ça, c'est mon opinion à moi. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le dossier, vous autres? Ou... Moi, ça fait longtemps que j'ai décroché des jeux d'iPad. Mais être franchi, je comprends un enfant, il tripe bien raide, le mien, il capote, il passe ses journées là-dessus, mais pour moi, à cause de ça, ça m'a fait décrocher. J'aime mieux payer un jeu complet ou avec des petits mini DLC plus tard, mais pas des pleins de mini à faire, à jeter des points, à jeter ci, à jeter ça. J'ai décroché moi avec de ça. Ça me fait capoter. Rick? Honnêtement, là, comme je te dis, moi, tu peux juste faire de quoi avec ton portefeuille. Si ton portefeuille... tu veux pas le mettre dans ces jeux-là, ben c'est la seule voie que tu as à faire, c'est de pas dépenser de l'argent ou de pas te connecter dans son cas aussi des fois. Mais qu'est-ce que qu'on comme je veux pas te dire de juste le prendre, puis c'est ça qui est ça, mais il y a vraiment comme on n'est pas en manque d'options de nos jours. Là. Je veux dire, il y a des manières d'éviter ces jeux-là, il y a des options qui sont là. Puis je veux dire, il y a du monde qui paye pour. Qu'est-ce qu'on peut pas rien à faire? Là. Comme si ça existe, c'est à cause que le monde paye. Et voilà. C'est ça qui est ça. Milter, ton actualité cette semaine, toi? Oui, j'ai une couple de petites affaires nowhere. Premièrement, mais je voulais te dire un shout-out ou un props à EA pour une fois. C'est rare, là. OK. Je joue à Plants vs. Zombies beaucoup avec mon gars, puis moi aussi, là, j'aime bien ça, là. C'est du Garden Warfare? Là, le Battlefield de Plants vs. Zombies. Puis ils ont eu un DLC gratuit qu'ils ont donné en update. Puis c'est quelque chose comme 16 personnages qui est pas... c'est pas rien, là, quand tu y penses. C'est pas des classes, par exemple. C'est des personnages. Non, c'est des classes, parce que les classes, c'est... Il y a 4 personnages par plante ou zombie, là. Mais chaque personnage avait 4 styles de classes. Puis maintenant, t'en as 6. C'est ça qui passe, OK. OK, fait que c'est... T'as plus juste un cactus. T'as un cactus électrique, un cactus de feu. Fait que quand t'es c'est comme pas un, juste des skins. Un poison damage. C'est pour ça que je brûle des fois là, exactement. Dans ce petit jeu-là. Okay. Puis en plus, t'as des weapon upgrade nouveaux, des affaires de même qui fait, mettons, plus de dommages, puis tout. Mais ils ont tous donné ça, 2 nouvelles maps, puis un nouveau game mode, tout gratuit. C'est gratuit, ça. C'était gratuit. Puis ça, c'est rare un des jeux. EA donne de quoi de gratuit. Hmm. Puis je pense en plus que la compagnie, c'est quoi, PopCaps. Ouais. Je pense qu'ils se sont fait ramasser tellement avec le jeu d'iPad 2 qu'il y avait trop d'achats vraiment par Plants vs. Zombies 2. Là, ouais. Que le monde capotait. Que on dirait qu'ils ont dit, gars, plus jamais. On va faire chier le monde de même. On a du monde fidèle. Ils sont prêts à payer le jeu. On leur donne. Puis ça fait quoi? Un mois que le jeu est sorti à peu près? Un petit peu plus, même. Pas beaucoup plus, mais moins que 2 mois. Là. Ouais. Puis déjà un DLC de map, un nouveau mode, des gratis, centaines de nouveaux customizations. Parce qu'ils ont fait un peu à la Team Fortress. Tu sais, moi, je joue au Xbox Team Fortress, puis le jeu il était écœurant. Mais sur l'ordi, je ne catchais pas pourquoi que ça avait comme... revit 1 ou 2 ans chapeaux, après les chapeaux. Puis là, t'as des chapeaux par-dessus, des chapeaux par-dessus, un autre chapeau. Là, t'as comme 3 chapeaux sur la tête, le monde capote. Pourquoi à cause des chapeaux? Mais Plants vs. Zombies, ils viennent de releaser 100 nouveaux stickers. Puis les stickers, c'est des items de customisation, dans le fond. Fait que là, mon zombie, il a des lunettes 3D, puis l'autre, il a une boîte de pizza sur la tête. C'est le puis... seul jeu que récemment, j'ai... je m'en allais m'acheter un Xbox One. Pour ça. Puis pour ça, juste parce qu'il l'a pas sur PC. Ouais. Puis c'est con à dire, hein, parce que c'est je suis un jeu heureux à avec mon PC. C'est pas un jeu... Puis c'est pas pour Watch Dogs que je vais m'acheter un Xbox One. C'était même pas pour Titanfall. Je l'ai acheté sur PC, puis j'ai joué. Puis je joue plus, finalement. Mais ce jeu-là, il a l'air tellement cool. Puis j'étais mordu de Team Fortress. Puis justement, rembarquer dans ce domaine-là, ça a l'air tellement le fun. Puis je me mords les doigts. Malgré que l'eau Xbox 360... Fait que j'ai quasiment le goût de notre pognon 360 pareil, au moins pour pouvoir jouer. Puis le jeu, il est 40$ en magasin, 40$ en download. Je l'ai vu à 20$ chez Costco hier. Mais il est en rabais cette semaine, par exemple, en download de Joe. Ah ouais, je l'ai vu. Partout. C'est un deal vraiment de PopCap, ils l'ont baissé. C'est peut-être ça qui explique Costco aussi là, à ce moment-là. Peut-être. Là. Mais moi, j'ai une théorie pour qu'est-ce qu'ils font avec ce jeu-là. Là. J'ai l'impression, parce que le setting il est là. Pour flipper la Switch pour que ça soit un jeu que tu peux mettre de l'argent dedans, tu le sais, là. Je veux dire, si tu pourrais t'acheter tes cartes. T'achètes de l'argent du jeu, mais tu peux pas encore. Non, tu peux pas. Mais grossisse le fanbase. Moi, je pense que t'es en train de grossir le fanbase, grossir l'accès au jeu pour flipper la Switch ou ce que tu peux s'acheter pour les cartes. Parce que je vais t'avouer, là, même moi, si j'aurais l'option de dépenser 5-10$ pour avoir, je sais pas moi, 200 000 crédits puis m'acheter plein de cartes, je le ferais, là. Ouais, peut-être. C'est tentant, là. Moi, je le ferais pas parce que j'ai un enfant qui joue sans arrêt, fait que je me réveille de bord, j'ai 90 000 piastres, puis je suis comme, oh yeah, on achète des nouveaux bonhommes. Puis c'est lui qui est content, là. Parce 90 que, 000 piastres, t'es dans le jeu, doré, avec j'en revenais pas, sérieux, là, je faisais un peu de ménage avant hier, là, il était en train de jouer, là, puis je me réveille, puis comme, 90 000, c'est cool. Là, c'est hot aussi, ça. On dirait des jeux de nos jours, là, avec ces affaires-là, parce que dans Plants vs. Zombies, c'est les cartes. C'est comme si t'achètes des paquets de cartes, c'est aléatoire, ouais. Fait que tu sais pas quelle t'achètes, parce que c'est comme un, il est 1000 piastres, l'autre 5000. Hearthstone. Des affaires différentes, mais... Shenmue. Ouais. Ouais. Comme dans Shenmue. Puis c'est tout au hasard parce que moi je viens d'avoir mon affaire de feu puis je vois un gars qui l'a depuis un mois là, tu sais, c'est sauf c'est que cool, moi j'avais ça. Le joueur de hockey à la place exemple, tu sais, ouais. Des affaires de même. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'il était carré, il est pas cher présentement puis il y a du deal aussi. Faut gratis, aller jouer avec. J'en veux plus, fait que go for it. Un peu dans le même sujet, c'est niaiseux, mais il y a eu Trials, le jeu de motocross un peu qui est sorti. Là, ouais. Tu sais, il y avait un jeu au 360. Ouais. Puis là, j'ai la confirmation que le staff de Microsoft d'Xbox One écoute le podcast parce que quand j'avais parlé dans un épisode précédent que je trouvais ça ridicule que les jeux en magasin étaient le même prix que le jeu en download puis que après t'es pogné avec... à rien de physique que tu peux revendre, de l'espace sur ton disque dur, puis tandis que l'autre, ben, t'as un bien physique dans les mains et tout, puis que le but serait intéressant de l'acheter s'il serait moins cher en download, puis que je vois le côté, t'as pas payé de distribution de produits physiques, d'impression et tout ça que t'as sauvé au lieu de te mettre dans les poches. Ben, Trials, il est 20$ sur Xbox Download, puis il est 40$ en CD sur magasin. Puis il est gratuit ou sur iPad dans Trials Frontier. Ouais, ben, c'est pas le même jeu. Puis il est pas aussi bien fait. Mais oui, c'est un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour la différence, ça donne le goût, parce que là, tu te dis, j'ai peut-être pas le bien physique que je vais trader pour un échange de 15-20$ après au microplay, tu sais. Mais il m'a coûté juste 20$. Mais les Trials, ils ont toujours été dans ce price range-là. Ouais, mais il est 40 en CD pareil. Il est-tu 40 en CD? J'étais allé au Microplay cette semaine, le gars, il m'a dit, ouais, je t'allais mardi, dis on l'a. Mais je veux dire, comme les Trials, comme Trials Evolution, qu'il y a sur la Xbox 360, tout ça, c'était 15$. Ouais, mais c'était un arcade. Ouais. À Star, c'est encore un arcade à 20$ sur le market et 40$ en magasin. Je sais pas c'est quoi qui est arcade puis pas dans l'Xbox One. Ben, un petit jeu, là. Ouais, je comprends. C'est ça. Il est 20, en gros, il est 20$ en download puis 40$ en physique. C'est très bon, ouais. C'est juste, il y a une différence, ça vaut la peine, c'est inspirant à l'acheter. Un jeu comme Titanfall pourrait être 40$ en download et 60$ en magasin parce que j'ai acheté un CD, j'ai acheté un boîtier, j'ai acheté un livret. Ah ben, je pense que la différence, puis tu sais, de travailler dans le détail, je pense que le coût de production pour un Titanfall puis le retour sur investissement versus un Trials HD ou whatever, tu sais, il y a peut-être une raison pourquoi ils coûtent vraiment plus cher en physique, parce qu'ils doivent imprimer vraiment moins. Moins, puis ils vont en vendre moins en physique, parce que Mike Frank, toi, j'étais surpris que ce jeu-là était en physique. Parce tu m'en parles, puis je suis surpris, moi, honnêtement. Ben, tous les jeux... Avant qu'ils sortaient arcade, Xbox Live Arcade, ils sortaient jamais en CD, ou presque, très rarement. Puis là, tout d'un coup, on dirait que tous les jeux qui sortent arcade, ils sortent aussi en CD. Fait que je suis comme confus sur vers où qu'ils veulent s'en aller avec les nouvelles générations qui supposément veulent pousser le download et les jeux en ligne seulement ou de quoi. Puis là, t'es comme, OK, tu me sors les petits jeux d'arcade en physique, je comprends pas. Ouais, c'est un move douteux. Ben, tiens, anyways, c'est quelle compagnie qui fait ça, Trials? J'ai aucune idée. Ubisoft. C'est vrai, il est sur Uplay parce que j'ai vu de quoi, ouais. Ouais, ils ont annoncé que Uplay allait venir avec Watch Dogs, puis j'avais une BD de Control L Delete cette semaine. Ceux qui connaissent pas ça, allez voir mais ça. C'était va venir avec fuck Uplay, je dis pas non, mais en plus, là. C'est parce que tu l'achètes sur Steam, fait que tu pourrais jouer sur Steam avec Watch Dogs. Mais pour aller jouer en ligne puis pour accéder, faut que tu aies Uplay en plus de Steam. Okay. Uplay a ruiné mon expérience de Assassin's Creed Black Flag, sincèrement. Là. J'ai eu plein de problèmes parce que j'étais connecté, puis je veux pas bitcher Uplay pendant 15 minutes, mais j'étais branché avec un compte Uplay que j'avais fait au PlayStation 3 il y a un an, puis un compte Steam mélangé avec un compte en ligne, mélangé avec mon compte Xbox Live qui était tagué avec un compte Facebook que je pouvais pas. Ils ont de la misère avec le linkage. Man, puis j'ai essayé de pogner de l'aide là-dessus, puis je pognais des réponses complètement dans le champ, puis je pouvais pas utiliser la map de sur mon iPad pour aller avec à cause j'avais pas le Uplay. Je pouvais pas jouer en ligne. Ben, je te dis, ça m'a tout chié, puis je me suis tanné là, comme ça. Mais je pense qu'on est rendu à une évolution technologique où. S'il y a quelqu'un d'Ubisoft qui écoute le podcast, tout comme les gens de Microsoft nous écoutent, voyons. Mais je veux que ça s'améliore. Arrêtez de focusser. Puis moi, je vois ça du point de vue externe. Ok, je me dis, je travaille chez Ubisoft. Je distribue mes jeux via Steam, qui a déjà une plateforme solide d'invitation dans les jeux, une friend list, tout le kit. C'est cool là, du référencement, puis des statistiques, puis tout le kit. Mais arrête, le coût de développement, puis l'irritation que vous causez à vos consommateurs, là, me semble, Uplay, là. Tu sais, la plug, t'en as pas besoin. Si c'était plus smooth. PSN est là, Xbox Live est là, Steam est là. À la limite, EA ont fait de quoi avec Origin, qui est quand même bien. Mais ils se sont dissociés sur les autres plateformes. Puis c'est ça, eux autres, ils vendent exclusivement sur leur. Ubisoft, je comprends juste pas quand t'es rendu sur Steam, PSN puis Xbox Live. Pourquoi tu t'entêtes à avoir Uplay? Puis les fonctionnalités, là, excuse-moi, mais sont merdiques. Ben moi, la fonctionnalité de la map dans Assassin's Creed a été le fun, mais je pouvais pas. T'es pas obligé d'avoir. Techniquement, là. Avec Ubi, c'est la seule compagnie qui vont te forcer d'avoir Uplay pour avoir des fonctionnalités de même. Sais, ça... Le reste va le faire Smart Glass. Ce que je trouve intéressant, c'est les points accumulés comme des genres d'achievement, si on peut dire. Ah, comme le club Uplay. Nintendo qui marche depuis les années 80, là, que tu accumules tes points via leur site web. Mais en tout cas, moi, j'ai comme 200-300 points qui dorment sur mon Uplay, puis j'attends juste d'acheter un bon jeu d'Ubisoft que je vais acheter éventuellement un moment donné, puis que je vais faire comme « OK, j'achète tout parce que ce jeu-là, il me tente, puis je vais déjà avoir des points accumulés dans mes autres Assassin's Creed que je voyais pas l'utilité d'acheter une cape ou quelque chose pour mon bonhomme. » Fait que je me dis ça, tant qu'à gaspiller point pour une cape, je vais garder pour quand je vais arriver à un jeu, puis il va me dire trois guns exclusifs que ah ok. Mais t'sais, honnêtement là, regarde, Uplay c'est le club Z. Mais j'ai du trouble souvent avec quoi. Zellers a disparu, Teddy est plus là. Le club Z, il n'y a plus raison d'être en 2014. C'était Zeddy, c'est vrai, pardon. Tu mélanges avec Teddy Rockspin. Mais Teddy Rockspin, qui était le même. Qui est acheté chez Zellers. Ça serait juste séparé. Il donne le choix, à la limite. Mais c'est juste, j'aime pas l'intégration dans les consoles. C'est très frustrant en ce moment. Ça plante tout le temps. On vous aime pareil, Ubisoft. J'ai vraiment hâte de jouer à Watch Dogs. Ah, tellement. J'ai vu le trailer de le multijoueur. Je l'ai pas vu encore. J'ai vu tantôt, mais là, je suis occupé à faire le setup pour le podcast. Pas rien, là. Mais là, on a fait le tour de l'actualité, puis ce soir... Pas moi, hey, non, t'as pas fini. En vrai, là. J'ai pas fini. 2 minutes. Je voulais juste dire, j'ai commencé G.I. Joe de Marvel. Merci, Joe. Fait que c'est ça. Non, mais j'ai 4 BD de lu. Il y en a 151 autres à lire. J'ai tout procuré les 155. Fait que je vais essayer de pas trop en reparler avant d'avoir complètement fini. Puis, non, ben juste pour dire ça. Faut que t'aies fini ça pour Comic-Con au moins. Ben, j'espère. Je sais même pas si le gars qui les a écrits va être là. Ça serait bien. Faudrait que je m'informe pour ça. Par exemple, pas eu un Comic-Con. On a eu un special edition de G.I. Joe quand il était là. Ah, toi, ouais, ouais, ouais, quelqu'un dans la gang qui l'avait pogné. Mais j'ai juste pas checké c'est qui les invités auteurs et invités dessinateurs vraiment. J'attendais la semaine avant pour me motiver. Mais tout ça pour dire que G.I. Joe, ça a l'air bon. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Un peu cheesy. Mais c'est G.I. Joe, fait que c'est ça qui est drôle. Puis j'ai checké mon Instagram pour voir mes print screens de drôles. J'essaye à tous les fois que je vois un carré vraiment une case spéciale là, ou un peu malaisante, là, j'apprends en print screen puis me fait du fun avec ça. C'est-tu vieux, comme les dans les années 80? Si je me trompe 90? Pas, c'est 1983 ou 85. Cool. Le numéro 1. Fait que là, je suis rendu comme numéro 4, mais tu sais, c'est vraiment des phrases cheesy de Cobra Commander, Hawk qui sort des affaires de tu sais, comme il est dans un gros meeting de toutes les caporales d'armée, puis il y a quasiment une guerre nucléaire, deux étages en bas, deux autres, genre. Puis il y en a un, c'est comme, ça sent un peu le brûlé, tu sais, c'est comme, il y a 20 robots qui viennent d'exploser en dessous d'eux autres, tout quoi. Puis lui, c'est comme, ça doit juste être une petite odeur de l'eau du fleuve pas trop loin d'ici, puis il fait un clin d'œil à Scarlett, puis c'est comme, tout le monde est comme, ouais, on est dans l'armée, on est toute cave, puis on te crée, genre. Mais ça passe super bien, là. Fait que c'est des cheesy, là. C'est 80s cheesy drôle. En tout cas, t'aimes les publicités, c'est super bon. C'est le fun, là. J'ai pogné les 150 numéros, 155, puis... Cool. Let's go, là. Je vais vous en reparler quand j'aurai fini. Merci, Milton. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause. Une pause ravitaillement et bio. Puis on va revenir dans 10 minutes avec le sujet principal, l'étiquette sociale 2.0. Monsieur Éric Hébert, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Monsieur Jonathan Milter, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Internet, êtes-vous prêt? Ils sont prêts! Ouais, il faut répondre tout de suite parce qu'il y a un délai. Donc... Question avant. Ouais. Le podcast a-t-il un Instagram ou on a juste un chacun personnel? En fait, on a chacun un Instagram personnel. Le podcast a aussi un compte Instagram qui est @geekcollectif. Puis ça, je pense. La seule affaire, par exemple, je peux pas gérer deux comptes sur le même téléphone. Fait que, rendu à Ottawa Comic Con, l'Instagram du Geek Collectif va se faire aller. Mais pour l'instant, il dort un petit peu au gaz. Okay. Je veux juste être sûr. Il y a une photo de nous qui mangent des biscuits. C'est pas ça, il arrête de fonctionner. Ça là-dessus? Ah, oui, je sais que les biscuits sont là, Carlis. Le Geek Collectif aime les biscuits. Le Geek Collectif adore en fait, les biscuits. 90% du Geek Collectif adore les biscuits. Oh, on a pas joué du quel genre de biscuits. Moi, les seuls biscuits que j'aime, c'est les décadents du choix du président. Oui, c'est qu'ils sont bons. Ils sont mieux que les chips. Comment tu fais pour jammer autant de chocolat dans un biscuit? C'est incroyable. Mais le Prez, il a bien scoré. Le Prez, il sait parce que c'est pas tous les produits du Prez qui sont mieux que l'original, mais les biscuits décadents, je dois avouer que ils sont moins chers. Plus de chocolat, moins cher. Meilleur. Donc, sur cette bière décapsulée, oui. C'est maintenant le retour à la normale. Sujet de cette semaine, dans le fond, les boys, on a décidé de parler, puis là, on va utiliser de la grande classe. Donc, tout le monde se met le dos bien droit. À partir de maintenant, on soigne notre langage, car on va parler d'étiquette sociale. Oui, 2.0. Qu'est-ce que l'étiquette sociale? Eh bien, premièrement, il faudrait aller regarder étiquette dans son sens. L'étiquette, aussi appelée bienséance, est un ensemble de règles, de normes sociales, appelées bonnes manières, qui gouvernent le comportement en société. Donc, tiré directement de Wikipédia, ce qu'on s'est donné comme mandat ce soir, c'est ma tante Ginette, ou ton grand-père qui vient de recevoir un iPad pour Noël, ou des gens tout simplement pas très habitués avec l'émergence des médias sociaux. Puis à un moment donné, il va falloir arrêter de dire émergence. Je sont pourrais présents, rajouter là. Aussi le monde qui ne comprenne pas l'impact de certaines diffusions où tu sais, c'est beau avoir tes amis, tes vrais amis, puis d'en avoir juste 25. Si t'es public, t'es dans ma... Mais je pense que à la base, l'étiquette sociale, ce qu'on veut dire par ça, c'est comment se comporter sur les médias sociaux. Parce ouais. que, tout comme dans la vraie vie, il y a une manière de se comporter avec les gens mm-hmm. qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qu'on côtoie professionnellement, socialement, personnellement. Donc, il y a une manière différente d'agir et d'interagir sur ces gens-là. Mais on se le cachera pas, dans les médias sociaux, tu es ton brand. Fait que tu gères ton brand. Ouais. En fait, très, très bonne analogie, nous sommes notre propre marque dans les médias Exactement. Sociaux, mais par contre, c'est pas tout le monde qui comprend le pouvoir qu'ils ont. Le pouvoir et l'impact surtout que les gens vont avoir. En effet. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, c'est un flagrant manque de technique aussi, que je dirais juste à la base. Là. Ben, c'est ce qui a fait un peu l'émergence de ces dits spécialistes en médias sociaux, ouais. qui sont en quelque sorte des les early adopters, le terme anglophone, pardonnez-moi. Donc ces gens-là qui vont adopter la technologie avant les autres, qui vont un peu défrayer la brousse avec leur machette métaphorique. Ceux qui sont sur Circle. En ce moment. Ceux qui sont probablement sur Circle et non sur CircleJerk.com ou Secretly. Ou Secret.ly. Ça, écoute, Secret, moi j'ai trouvé une faille là-dedans. T'es mon seul ami. Fait que si j'écris un secret, tu sais immédiatement que c'est moi qui l'ai écrit. Oui, mais toi, t'es pas mon seul ami. Fait que si toi t'en écris un, j'ai aucune idée que c'est toi. À part quand je reconnais ton chat. J'ai pas posté mon chat à date, donc ça m'inquiète. C'est nouveau. Ben, en fait, c'est pas nouveau, les médias sociaux. Ça fait longtemps que ça existe. Mais il y a des gens pour qui c'est nouveau. Puis on veut vous aider ce soir. Tel un Dominique Arpin de ce monde ou d'autres spécialistes en médias sociaux, François Charon et autres, qui vont vous donner des techniques level 4. Que c'est, là, il y a une modification de sécurité dans la faille de l'API de Facebook. Puis, tu sais, des termes que tout le monde comprend puis tout le monde maîtrise. Nous, on va vous donner des trucs un peu de base. C'est la fondation. Avant de construire une maison, on va donner une bonne fondation. On va vous dire juste des trucs du bon sens. L'étiquette des médias sociaux. Comment interagir? Un exemple flagrant. Les gens ajoutent un peu n'importe qui de nos jours sur Facebook. Donc, les gens vont avoir des réseaux sociaux de 500-600 amis. Puis là-dedans, ben, les gens font pas le ménage, les entretiennent pas. Et, ben, je dis les gens, c'est pas tout le monde qui fait ça, premièrement. Je généralise, mais ces gens-là vont avoir un réseau social très épanoui, sans limite et sans distinction. Voulant dire que quand tu vires une grosse brosse un lundi soir, puis que le mardi, tu rentres pas au bureau parce que t'as passé la soirée à vomir. Hashtag grosse soirée. Puis que tes chums t'ont pris en photo en train de faire des interurbains dans le téléphone blanc. Tagué. T'es sur Instagram tagué. Puis que ton patron est dans tes amis sur Facebook. Que l'Instagram de tes amis est relié à leur Facebook. Et que tu ne filtres pas les tags sur Facebook. Et que tu ne... Mets pas ton patron sur une liste restreinte de monde qui voit les posts. Hashtag slip bleu. Hashtag ouais. Je perds ma job. Hashtag j'aurais peut-être dû vérifier mes sécurités avant. Donc, hashtag monde retardé qui se fie encore à Facebook pour juger une personne aussi, personnellement. Ben, c'est un peu une affaire. Mais je comprends en même temps parce que t'as des photos qui sont des faits. Et c'est d'autres choses. Moi personnellement, je pense qu'il y a plusieurs Facebook, si on peut dire, mm-hmm. que le monde dans Facebook ne comprennent même pas à quel point il y a du monde qui s'en sert pas pour les mêmes raisons du tout que nous, que toi, ou peu importe. Je pense que nous autres, au podcast, puis la plupart des auditeurs, parce que c'est du monde plus... techno. Et techno, in dans ces affaires-là, s'en sert pour... Très in. Tu sais, quand, très, très, ouais, ouais, pour écouter le podcast. La crème de la crème. In. Mais quand tu te crées un compte Facebook, je sais pas s'il y a du monde qui s'en souviennent, tellement que ça doit faire longtemps qu'ils l'ont, ils te demandent de cocher tes raisons d'être là, qui sont des affaires comme social networking, que ben du monde n'ont aucune idée sur le coup c'est quoi. Il y a friendship, amour, family, tu sais, des coches. Mais c'est de nouveau même. Ça, parce qu'à la non, base... Non, c'était là, il y a 7 ans, quand que je m'ai abonné à Facebook, tu choisissais, est-ce que tu vas être même dans le social networking, t'es-tu là pour trouver l'amour? Puis le monde qui te sont suggérés, et ces affaires-là, c'est du monde d'après ces catégories-là. Puis... il y a du monde qui c'est pour le gaming seulement, des millions. Tous les jeux que tu bloques sur Facebook, toi, parce que ça t'énerve, parce que tu veux juste voir des articles du Voir puis de la presse qui sont partagés avec du monde qui donne leur opinion en dessous en social networking. Tout t'y vois pas parce que t'as tout bloqué ça, mais il y a du monde, c'est le contraire. Ils font « fuck off la presse, fuck off le Voir ». Moi, je bloque tous ces articles-là. Je veux juste du monde de gaming. Bill. Moi, j'ai une matante que... that's it, là. Farmville all the way, puis... elle dit du monde, elle ajoute des centaines de personnes qu'elle connaît pas pantoute, puis c'est juste des invitations de « OK, lui m'a invité à ci, ça, ça ». Juste peut-être pour ajouter, Jonathan, on... Jonathan, ouais. Wow, ça fait... c'est spécial. Non, mais je sors mon étiquette, là. Ouais. Mais là, on va donner beaucoup d'exemples, on parle beaucoup de Facebook, mais tu sais, cette étiquette-là, elle s'applique à Twitter, elle s'applique à Instagram, il y a un elle s'applique côté à Pinterest différent, parce aussi. Que Twitter, tu peux pas t'en servir pour le gaming, d'après moi, autant que Facebook. Et le côté social networking, c'est quasiment que ça. Ouais. Tu peux pas cruiser ça. C'est pas, tu peux pas te servir. Tu flirtes pas sur Pinterest. Ouais, exactement. Tu peux pas te servir de Twitter comme site de rencontre vraiment, d'après moi, autant que Facebook, que tu vois le monde célibataire. Tu d'un peux autre chercher côté, par le... célibataire de ton coin là, sur Facebook. Quand tu pousses les options, là. Ah, mais t'as les tweets near you aussi, puis les affaires de même. Ouais, mais quoi, hashtag célibataire et closé en 140 caractères. Moi, personnellement, là, ça mérite un award. Mad respect, mais... mais je comprends un peu ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que, premièrement, c'est le far web, comme le dit Joël, ouais. Mais c'est très... chaque personne fait sa propre utilisation des médias sociaux et des réseaux sociaux. C'est différent mais à tout le monde. Mais les gens vont y aller pour des raisons différentes. Fait que c'est sûr et certain que, premièrement, le raisonnement que tu as de dire c'est pas tout le monde qui va manger au restaurant qui mange la même chose, c'est très vrai. C'est pas ouais, parce que exactement. Tu vas en banquise que tu vas sortir avec une poutine. C'est sûr que 90% de la clientèle vont en banquise pour aller manger de la poutine. Mais t'as tout le temps un gars creepy qui va en banquise à 3h le matin parce que les filles seules sont là et il peut y stalker. C'est la même affaire que Facebook. T'as tout le temps un gars exactement. Qui rouvre un compte pour aller regarder les photos des profils. C'est un peu creepy, mais il y a du monde comme ça. Puis faut être réaliste. C'est en disant encore ça. Plus creepy quand t'as un faux nom puis une fausse photo. Je dis ça de même, je vais en parler plus tard. C'est un peu comme les âges, sexe et location ASL, ouais, ou ASV pour les francophones. On était tous une Pamela de Terrebonne de 19 ans à un moment oui. donné dans notre vie. T'sais. Jamais de la vie. Surtout Eric. Jamais de la vie. Eric, non, Eric, c'était Rebecca 19... Thunder Bay. Rebecca 19. Mais grosso modo, faut que j'arrête de dire ça, je me répète depuis le début de l'épisode. Hashtag grosso modo. Hashtag grosso modo, pluguez-moi là-dessus. Niaisez-moi en public, c'est pas grave, ça me fait du clout. Grosso modo, pour le répéter, parce que je veux des clout, puis je veux du hashtag. Médias sociaux, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Premièrement, faut faire certaines distinctions. Sur Facebook, il y a des comptes. Donc, un compte est un individu. En 2014, il va y avoir des gens que pour qui un compte va être une compagnie, va être une personnalité web, va être des choses comme ça. Premièrement, faut savoir, quand j'embarque dans la poutine de Facebook, où est-ce que je m'en vais? À quelle table je m'assois? T'sais, est-ce que je suis un compte? Est-ce que je suis une page? Est-ce que je suis un groupe? T'sais, est-ce que mon but, c'est d'échanger avec des personnes des mêmes affinités? T'sais, comme le groupe du Geek Collectif, le groupe secret élitiste du Geek Collectif, qu'on a mis secret et qu'on ne peut plus l'enlever finalement. Mais pourquoi on va sur Facebook? Faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire au départ. Mais il y a une affaire qui est courant. Il y a beaucoup de gens qui vont se partir des fanpages pour des trucs totalement pas rapport quand ça devrait être un groupe. Il y a des gens qui devraient être une fanpage, mais qui sont un compte. Ou qui sont un groupe. Ou qui sont un ça, groupe. Ça, c'est le pire. Là, quand tu es un groupe et tu voulais faire une fanpage, je pense que tu es dans la merde. Mais tu sais, tout ça a parti qu'à l'origine de Facebook, les fanpages n'existaient pas nécessairement. Puis c'est arrivé un peu plus tard à ce moment-là. Il y a eu de la demande, ils se sont adaptés. Mais en 2014, on s'entend que, en tant que... Mais ça a changé, ça aussi. Même eux autres, le terme s'est rendu « like ». Genre, vous likez la page du Geek Collectif, et non, avant, c'était « become fan of ». C'est ça, tu sais, vous n'êtes pas un fanatique. Tu sais, ça a une connotation un c'était, peu... Ben, c'est pour ça qu'ils ont enlevé big, ça. C'était... Maintenant, c'est vous appréciez le Geek Collectif. Vous aimez ça au bout. Vous vous coupez les veines à écrire notre nom avec votre sang sur les murs de la baignoire, parce que, tu sais, c'est ce genre de réaction-là qu'on ben a. Oui. Mais, grosso modo... Hashtag grosso modo, calvas. OK, on va faire de quoi? À chaque fois que je dis grosso modo, t'as le droit de me donner une tape en arrière de la tête pas trop forte. Ou prenez une gorgée à maison. Ou prenez une gorgée à maison, ça va être un drinking game. Faut juste savoir pourquoi qu'on embarque dans Facebook. Ça, c'est la base de tout. Puis si t'as déjà de l'expérience, d'après moi, avec les médias sociaux, si tu penses à qu'est-ce que tu veux faire avec ça, tu sets tes options tout de suite, c'est la première chose à faire. C'est-tu pour voir les photos de ton neveu qui habite au Tennessee? C'est-tu pour partager tes articles parce que t'as un blog ou des vidéos puis tu veux carrément rejoindre du monde le plus possible? Mais c'est quoi que tu veux faire? C'est-tu pour partir des rumeurs sur la fille que t'aimes pas dans le village que tu vis dedans? Ben, c'est con, mais exactement. Puis rendu là, à partir de ça, il va falloir que tu décides plein d'affaires. Ton nom que t'écris, c'est-tu ton vrai nom? Ton faux nom? C'est-tu un nom inventé? Tu sais, c'est... Ben nous autres, on est trois gars qui a commencé sur Facebook à peu près au... Comme on est tous des 2007, là, je présume, là, moi, 2006. J'étais là au début. Là, moi, j'étais mal... deux mois après, j'ai pas mal ouvert ça. Je l'ai laissé deux dormir, mois après que ça s'est ouvert au public. Non, j'étais dans j'avais eu un invite pour le... Early le test, access. Mais je sais qu'au début, moi, je me rappelle, j'avais tombé j'étais sur Facebook. J'étais pas à Harvard, là, mais j'ai eu mais un... Mais sur Facebook, la première fois que j'ai tombé dessus, il fallait que j'aille à une école universitaire, je pouvais pas m'enregistrer. Ça, je m'en rappelle au début. Puis après ça, ça s'est ouvert au public, genre une couple de mois plus tard. Moi, en passant, c'est jour 1, j'ai embarqué. Mark Zuckerberg m'a invité personnellement, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Il m'a appelé, puis... Mais nous autres, on est sur Facebook. Pourquoi? Puis pourquoi qu'on était sur Facebook au début aussi? Parce que moi, j'étais pas sûr trop qu'est-ce que je m'embarquais dedans dans Facebook. Puis ça s'est tranquille. Moi, j'ai réalisé que c'était le monstre que c'était quand ma mère est embarquée dessus. Moi? C'est ben... con, là, mais moi, j'étais sur MySpace. Puis t'es encore sur MySpace. Ouais, j'étais encore d'ailleurs sur MySpace. Mais je faisais mon affaire, puis mon affaire, c'était perdre mon temps. Sérieux, là, je passais juste mon temps, je checkais les posts du monde de temps en temps. J'étais souvent au travail, fait que je faisais quelque chose, je dessinais des plans, puis tout pour la job, puis dans ce temps-là, j'étais à un autre job. Puis je checkais mon MySpace, je réagissais avec du monde, je parlais avec du monde de même, nowhere. C'était drôle, on faisait des photos... Ça restait là, j'avais aucun projet en tête avec ça. Après, je me fais un Facebook parce qu'une de mes employées, dans le temps que je gérais un magasin de disques, me dit « Hey, Belter, t'as-tu Facebook? C'est drôle, quand on prend des photos, on peut les mettre dans l'ordi puis taguer nos amis. » Fait que là, ils voient qu'on a pris des photos d'eux autres. C'était juste ça. Ouais, fait c'est... Là, pendant un bout, là, au début, j'avais tous des albums puis c'était genre « Soirée à tel bar, 26 juillet, 40 photos dans l'album. » Puis c'était avant les timelines, c'est dans le temps qu'il y avait des walls. C'était des walls, puis il n'y avait pas vraiment de timeline qui roulait, puis tu voyais les affaires. Je trouvais des fois des groupes louches que j'avais de la misère à comprendre que du monde avait déjà fait un groupe. Puis... Mais c'était l'Internet en compartiment, là, ouais, je trouve. Je ne sais pas comment dire ça. Là, mais... C'était le Dark Web, ouais, à non, quelque part, Facebook au départ. Ça se mettait c'était local du dark aussi, web. Plus. Puis, moi, je me souviens, j'envoyais chier du monde un moment donné là-dessus. J'ai commencé à y réagir. T'as écrit ça? J'écrivais n'importe quoi, puis je me disais, c'est Facebook, who cares? Tu sais, n'importe quoi. Puis après, c'est devenu, pour moi, c'est devenu justement une game. On dirait que, sans le vouloir... Avant, je jouais à mon zombie, mon vampire, mon loup-garou. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, mais je faisais juste cliquer sur le nom à mon ami pendant une heure, là, puis ça me disait comme « Oh, tu l'as eu, tu l'as pas eu, tu l'as eu, tu l'as pas eu. » Au hasard, totalement, puis c'était con. Puis à un moment donné, ça s'est transformé en parlant avec du monde, parler avec d'autres mondes que je connais pas. À un moment donné, quelqu'un devient quasiment mon ami. « Hey, on peut mettre des photos, ah, je peux liker quelque chose, donner mon opinion. » Puis là, ça virait en marde totale de mon côté. je commençais à avoir, à un moment donné, j'avais 1800 amis, je savais même plus qui était qui, puis... Mais c'est un peu ça, c'est des faux pas qui ont été faits au début. Mais c'est ce que j'aime pour moi, personnellement, ça me divertit, je m'envoie là-dessus, j'écris n'importe quoi, je vois le hockey, je dis « crissez-moi à paix avec Ginette Renault », bang! Mais si on va plus large, parce que t'as un point que t'as apporté, Joe, que je trouve intéressant... C'est Facebook, who cares? Ça, c'est Jonathan Milter, ça, 2006. C'est 2007, là. 2006-2007. Ouais, Jonathan Milter, 2014, va probablement encore dire « C'est Facebook, who cares? » Par contre... Il y a du monde qui care à ce temps. Il y a du monde qui care, puis il y a du monde qui vont s'inquiéter beaucoup de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui a changé? Ben probablement que tes diffusions sont plus au même groupe de personnes. T'as dû probablement sécuriser ton compte dans un certain degré. Moi, personnellement, encore, à cause de comment que j'étais rendu, puis comment j'étais, je veux pas utiliser le terme, mais n'ayons pas peur des mots, web famous. dans toute humilité. Ben oui. Ben à cause du monde, j'avais beaucoup d'artistes, j'avais beaucoup de producteurs dans mes amis. Puis à l'ancienne job où j'ai commencé à travailler, ben mon boss, il m'a rencontré, puis il m'a dit... Je le sais qu'est-ce que tu postes. Je le vois qu'est-ce que tu postes. Et tu dis des opinions vraies à toi. C'est correct. T'es direct. T'es cru. Mais ça se peut que certains producteurs que tu travailles pour et artistes ferme que tu travailles pour ne trippent pas sur tes opinions ou peu importe parce que tu as soit parlé d'un ami, une connaissance, eux autres même. C'est déjà arrivé que j'ai dit quelque chose contre des artistes que je travaillais avec, puis that's it, c'est dit, je l'assume totalement, moi. Mais mon patron m'a un peu demandé de fermer ma gueule. Fait qu'on s'entend dire que, de nos jours, l'approche, c'est Facebook, who cares? C'est plus ça. C'est plus ça. Il y a du monde qui m'ont déjà rencontré à mon travail sans même que je sache, parce que je me disais, bah, c'est un ami Facebook, moi... Tel rapper sans pression, exemple, tu sais, Nowhere, là, le gars, il a plein d'amis, il s'en calisse du petit Jonathan Milter là, qui poste 40 fois par jour, puis que ça doit passer dans le bar pour lui, puis tout. Mais quand que le gars, il arrive au bureau, puis qu'il fait, hey, il est où Jonathan Milter, puis tout, là, tu fais comme, j'étudie de quoi contre lui, tu repenses à tous tes millions de posts, de niaiseries, d'opinions que t'as dit, puis tu te demandes, puis finalement, le gars dit, man, je te trouve drôle, je voulais juste te serrer la main. C'est un soulagement, c'est cool, mais il y en a d'autres qui m'ont fait « Ah, c'est toi le gars qui blaste ma musique puis qui dit que c'est de la merde ou qui a pas aimé mon émission ou peu importe. » Fait que t'as appris des leçons, puis on est là pour faire sûr qu'on ne répète pas ces erreurs-là. Exactement. Ça, c'est une leçon que j'ai appris. La leçon que j'ai appris, c'est de mettre mon boss sur une « restricted list ». Comme ça, le monde que je veux pas, qui voit mes posts, mais qui sont quand même mes amis, fait qu'ils peuvent pas dire que « Ah, Milter, il m'a bloqué » ou quelque chose de même. Puis quand il clique, il voit mes photos de moi avec mes enfants pareil, ben, il voit pas mes posts qui dit que j'ai écouté Balibum hier puis que sa prestation, c'était de la maudite merde puis qu'il devrait plus avoir le droit de monter sur un stage. Exemple. Mais je pense, honnêtement, ce que tu dis, ça a du sens. Puis on vous dit pas, là, du jour au lendemain... J'ai écouté le podcast, ils m'ont dit de te mettre sur la liste restricted. Non, non. Let's go. Mettez pas nécessairement votre boss sur la liste restricted, mais gérez votre contenu. Un jugement aussi de casser tu postes. Exactement. En premier, puis rendu là après, si tu vois que le monde y abuse, parce qu'il y a du monde qu'on s'entend qui abuse juste sur le côté... Mais c'est parce qu'il y a plusieurs techniques que les gens ont pas saisies nécessairement avec Facebook. Puis la première des choses, c'est que par défaut, sans configurer rien, vos publications sont public. Ouais. À les moins choses que tu le dises, se voient. À moins que tu la rendes. À moins que vous fassiez... Ouais, à moins que ça soit configuré... Quand t'écris ton nom, t'écris ton email, puis tu mets ta photo, puis ça part, là, t'es public. Après avoir mis ta photo, va tout de suite dans tes options. Tout arrangé. Puis je veux pas que ça change, en passant, mais continue avec la description, mais moi, je suis content que c'est de même. Moi aussi, mais je suis content. C'est bien, mais à la limite, faut juste être consciencieux de ce qu'on va publier. Parce que je vous donne un exemple. Souvent, ça va être des personnes d'un certain âge qui ont peut-être pas été habituées avec la technologie. Puis je dis pas ça pour dénigrer personne. Puis honnêtement, si t'es dans cette catégorie-là, puis t'écoutes notre podcast, premièrement, ben bienvenue parmi nous. Puis je suis bien content que t'écoutes le podcast. Mais t'es vieux. Mais t'es dans une catégorie où tu dois t'adapter à la technologie moderne. Puis ces gens-là, à la limite, moi quand je vois, mettons, ça m'est déjà arrivé, tu sais, un collègue de travail un peu plus âgé, il écrit de quoi, puis hey. Écoute, c'est parce que tout le monde le voit présentement. Ça, t'aurais peut-être dû l'envoyer en privé. Ah, oh, hey, merci, je le savais pas. Puis il efface leur publication, puis tout est correct. Mais je peux-tu être franc avec toi? Ouais. C'est peut-être un préjugé, ça, parce que il y a du monde, oui, ils vont dire de quoi, comme, qu'est-ce que tu viens de dire, exemple, ils pensent pas, ils voulaient l'écrire sur le wall d'une personne, ils l'écrivent comme statut public ou quelque chose de même. J'ai vu souvent, puis je m'amuse à les poster, du monde qui écrivent de quoi en statut, qui pensait qu'ils écrivaient sur un wall ou dans un groupe. Ils ont pas nécessairement 45 ans. Puis que c'était des requêtes de sexe, carrément, puis de choses louches, genre, là, avec des petites métaphores spéciales, des groupes ouverts là, d'échangisme, là, c'est des mines d'or pour des, mais des c'est, affaires de c'est même. Là que ça arrive, tu sais, le collectif est secret, le groupe, présentement, ben, c'est ça. Les groupes ouverts, un groupe d'échangistes, comme tu dis, puis on écrit ça, puis hey, en fin de semaine, m'a-vous gâté ma gang de ben chanceuses? Oui. Moi puis ma femme, on cherche un couple, nanana, puis après, tes enfants voient que t'as posté sur le groupe échangisme Sorel, t'es comme... malaise, okay, ça, c'est échangiste Sorel. Échangiste. On salue la gang du best podcast ever. Ouais. Ils sont dans ça, je pense. Mais, tu sais, c'est le genre d'affaire que tu le vois, elle poste. Puis même si moi, je suis pas dans le groupe, j'avoue que t'as posté là parce que toi, c'est public. Puis... Mais c'est là que l'étiquette sociale 2.0 doit entrer en ligne. Mais le côté aussi, moi, où je veux venir, qu'il y a peut-être pas juste les jeunes, les vieux. Il y a des jeunes que je vois qu'ils comprennent pas. Qui mettent des vidéos, deux autres, que ça soit pour avoir de like cool ou peu importe, mais tu sais, je veux pas nommer de nom, mais genre Yannick Ellenberg, un gars que si vous allez voir ses vidéos sur YouTube, il carrément, là, il fait de la poudre, puis il est en train de se faire des shooters, puis il dit, puis il punk ses clés, puis je m'en vais chauffer. Tu vois le vidéo de lui qui conduit, puis c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Déjà que c'est stupide de faire ça, que c'est illégal de faire ça, tu t'en vas te filmer pour le mettre sur Facebook. En plus, tu chauffes en conduisant. Tout est stupide dans ce que tu fais. Puis je comprends pas pourquoi le monde font ça. Si ça serait à son insu, je comprendrais quasiment plus le gars parce que j'ai rien contre peu importe ce que vous faites dans votre vie privée, que vos passe-temps, vos habitudes de consommation, faites ce que vous voulez, c'est votre vie, mais va pas crisser ça sur Facebook. Mais quand on parle justement de normes sociales... Ça n'est pas une, ça. Ça n'est pas une, mais crois-tu que... Il y a quand même un questionnement que les gens doivent faire, parce que justement, comme tu dis, là, on donne accès à notre information à n'importe qui, on copie nos publications, on avise tout le monde. Dès que t'es public, là, oublie ça. C'est tout le monde peut prendre n'importe quoi. Mais c'est ça qui arrive. Je pense qu'on vient de perdre Internet. Il aime pas que c'est qu'on dit. Fait que... Mark Zuckerberg, il est sur nous autres. Là. En Internet, moi, je l'ai encore. Hein. Non, le Wi-Fi vient de planter de mon bord. Je suis en connexion limitée. Oh, mon avec est en 3G. Ben, moi, je suis connecté. Mais ça record pareil. Ça record pareil, mais ça, à la limite, je peux le couper au montage. J'espère. On va juste faire un petit stop. C'est parti. Fait que là, t'es en train de nous expliquer, toi, comment est-ce que tu peux bloquer tes photos de Soulon qui n'ont jamais été prises de toi, André, c'est ça? En fait, c'est pas juste des photos de Soulon, mais tantôt, je disais sur le chat, il y a iChuck qui nous mentionnait aussi. Il y a certains clients, je sais pas ce qu'il fait comme profession, mais il y a des gens qui arrivent avec leur téléphone puis ou des femmes ou des hommes qui uploadent leurs photos automatiquement sur Google Plus aussi maintenant avec l'intégration Google dans leur téléphone Android. Ouais. Moi je fais ça puis j'aime ça, moi. Écoute, c'est le fun, mais d'un autre côté, toi tu le maîtrises, mais il y a des gens qui le maîtrisent pas aussi. Fait que ça aussi, c'est un autre truc d'étiquette à tenir en compte. Dans le fond, l'étiquette principale des médias sociaux, est-ce que ça serait d'être premièrement renseigné sur l'utilisation des médias numéro sociaux? Numéro 1. Prendre le temps de pas juste faire un compte bien vite, écrire ton nom, mettre une photo, puis partir dessus. Prendre le temps de tasser devant un PC, parce que des fois, devant le cellulaire... Pas juste devant ton iPhone ou ton iPhone de Samsung ou... Ouais, peu importe, ton téléphone intelligent. Prends l'ordi, puis fais le tour des settings, parce que comme Eric il dit, moi, le Google Plus, il avait décidé au début que chaque photo que je prenais, sans même me demander mon avis, sans même que j'aille ouvert l'application, uploader directement et poster la photo sur mon Google Plus. Fait que... Je peux-tu dire de quoi vite fait là-dessus, par expérience, là, si tu as un téléphone Android, check dans les applications, il y a le Google Plus Settings. C'est pas dans tes paramètres de téléphone. C'est dans l'application. C'est les Google Plus Settings, des Google Settings, puis tu as toutes ces trois choses à cocher, là, où tu décides. Moi, je l'utilise. toutes mes photos sont uploadées sur Google Plus, mais il n'y a absolument rien qui est publié publiquement. Mais je pense qu'on est rendu à l'étape de notre vie où, tu sais, dans le temps, on achetait une télé, un radio, un ordinateur. On ouvrait la boîte, on le branchait au pif. Tu sais, le fil jaune, il y a une prise jaune, ça doit aller là, j'imagine. Puis là, ça fonctionnait, puis on était capable de le faire fonctionner. Puis on s'adaptait quand même assez rapidement. Je pense qu'on est rendu à une étape où, à chaque fois où on va utiliser une application, installer un truc, ou même qu'on démarre un nouveau téléphone, le téléphone nous pose des questions, mais il y a toujours des petits caractères, puis on a tendance à les ignorer, ces petits caractères-là. Puis je pense que le conseil numéro 1 de l'étiquette était d'être renseigné, mais le conseil numéro 2, ça va être de prendre le temps de se renseigner puis de les lire, ces choses-là. Donc, voulant dire, prendre le temps, pas être impatient, pas être trop rapide non plus. Ça va être indiqué, voulez-vous envoyer vos photos en temps réel sur votre compte? Puis là, il faut prendre du recul là-dessus puis faire... Tu sais, j'ai activé un iPhone il n'y a pas longtemps, je reteste iPhone de mon... avec un de mes téléphones personnels. Puis la première question qu'il me demande, veux-tu activer iMessage? Veux-tu jumeler toutes tes affaires que ça passe par iMessage puis les affaires de même? Puis là, j'ai fait un mot, tapeur, OK. À droite, j'ai Facebook qui me dit, tu veux-tu que je prenne le contrôle de tes messages textes? Puis à gauche, j'ai Apple qui dit, tu veux-tu que je prenne le contrôle de tes messages textes puis je les envoie dans iMessage? Mais là, tout le monde veut mes messages textes. Mais là, je me suis dit, tapeur, là, pourquoi j'enverrais mes messages textes par Facebook? Puis là, après ça, j'ai compris, OK, mais c'est le fun, c'est juste un endroit, tous mes messages arrivent là. Moi, je l'ai là. Fait, ça, moi. Puis tu vois, ça, présentement, c'était pas assez bien expliqué, puis j'ai pas réussi à me renseigner comme il faut, fait que je l'ai pas fait encore. Message, je l'explique pas, ou... J'ai mes messages sur Facebook, puis mes textes et d'autres choses. Mais je les garde séparés, justement, parce que je veux pas me mélanger ou... C'est pour moi, d'un côté, c'est quelqu'un qui a mon numéro de téléphone, puis de l'autre côté, c'est juste quelqu'un qui me suit sur Facebook. Tu me suis, tu peux m'écrire. Moi, j'ai laissé ça. C'est ça, exactement. Mais l'autre, si tu m'envoies un message texte parce que je te connais puis que t'as mon numéro de téléphone. Puis fait que tu veux pas, toi, dans le fond, tu veux pas que TELUS t'appelle. Non. Moi, je peux l'écrire, je peux. Puis ça, c'est une autre affaire. Regarde, tu me fais penser à quoi. Mais le monde, là, sur Facebook, tu laisses ton numéro de cell visible à tout le monde. Moi, je le fais sans passant. Dès que je t'en. Ouais, mais dès que. Ben, pour toi, si toi, t'as juste tes friends. C'est correct. Non, mais je trouve que c'est... N'importe qui, puis qu'en inbox, tu cliques juste sur son nom, puis que ça pop-up tout de suite le numéro de téléphone de la personne sur ton cell. Moi, c'est ça que ça me fait. Puis que je peux t'appeler direct. Moi, je l'ai bloqué personnellement, parce que je veux pas que des nowhere en dedans de deux clics... Mais mon numéro de téléphone, il apparaît juste à mes amis. Mais je commence à en avoir quand même pas mal. Mais c'est ça le problème. Mais je pense que c'est une question, comme pour revenir aux étiquettes, c'est une question de sujet, c'est une question de perspective. Il y a des gens qui aiment se laisser ouvert aussi, là. Ah, tant mieux pour eux. T'sais, autres. Comme je comprends, mais, là, il faut qu'on éduque, on veut qu'il y ait des gens qui sont... Il faut que ce monde-là s'attende à, parce qu'ils ont donné leur opinion sur un parti politique, à un moment donné, que quelqu'un décide de hacker leur message texte de minuit à 6h du matin, un mardi, parce que ça y tentait parce qu'il y avait l'accessibilité facile du numéro de téléphone. Mais je pense que là, on s'éloigne un peu de l'étiquette. On tombe dans les best practices. Puis... Mais... Parce que, tu sais, dans le fond, la vraie étiquette de ça... On va essayer de déraper le moins possible. Ben, c'est ça. Mais je pense qu'on a fait la boucle de ce sujet-là. Ça va être vraiment... Premièrement, c'est d'être conscient de comment ça fonctionne. Puis deuxièmement, c'est justement de lire avant d'aller trop vite. Puis quand tu actives un nouveau cellulaire... Il lit qu'est-ce que ça dit. Là. C'est ça, fais pas juste yes, yes, yes, non, c'est non, ça, là, non, comme non, ça puis... l'explique tout. Là. Justement, là, toi, tu as ton expérience avec l'iPhone, mais un Android, là, maintenant, avec les nouveaux KitKat et tout ça, tu as le Hangout qui essaie de tout jumeler, c'est ça. C'est ça. Mais Google, creepy comme qu'ils sont, mais je les adore, ils essaient d'expliquer le plus possible. Comme on est à veille de tout mélanger ensemble, là, t'es-tu prêt pour ça? Là? Fait que dans le fond, regarde, renseignez-vous. Étape numéro 2 de l'étiquette, dans le fond, des médias sociaux 2.0. Puis, c'est selon nous, hein, vous allez avoir vos opinions, les choses comme ça. Donc, on vous invite à nous les partager via Twitter ou sur la page Facebook, même pour les courriels, pour les gens qui utilisent encore des courriels. Ça a disparu un peu à cause des médias sociaux. Facebook avait essayé de ramener les courriels, mais... côté professionnel de business à l'interne qui s'envoie des courriels sans arrêt. Là. Mais on pourrait faire des parallèles entre les courriels et les médias sociaux, parce que je vous ai pas amené à cet endroit-là, sournoisement, dans le but de pouvoir faire des parallèles comme ça, de faire un segway, gorgé pour les gens qui nous écoutent, qui sont là depuis le début. En fait, c'est que il y a des étiquettes sociales dans les courriels. Voulant dire, j'envoie un email à un fournisseur, à un collègue de travail, à un père. Je mettrai peut-être pas nécessairement un smiley au début. Je vais peut-être, tu sais, il y a des étapes sociales à franchir. Ben, il y a un peu ça sur les médias sociaux aussi également. Pas juste arriver du jour au lendemain puis être très brusque. Les gens n'ont pas de filtre en ligne. Puis je vous donne un exemple. Ça, c'est arrivé à plusieurs personnes. Les gens partagent leurs photos sur Facebook. Encore une fois, on généralise beaucoup avec Facebook, mais c'est celui qui a quand même beaucoup d'interactions rapides puis qui génère des situations cocasses. Mais c'est les matantes. C'est ça, exactement. Ou les jeunes. C'est pas Weibo ou Deka, là. Mais non, on parle de Facebook. En fait, il y a toujours une photo d'une jolie dame qui va passer, puis on voit les interactions de nos amis. Donc, un de nos amis publie sur une photo. Ben, c'est peut-être pas nécessairement une photo d'une actrice sur Internet qui s'en sac. C'est peut-être une photo d'une vraie personne, des choses comme ça. Donc, avant d'écrire un commentaire coloré tel que « Hostie de qu'un chien, cette fille-là, j'y mettrais dans le péteux. » Tu sais, quelque chose de même. Faut réfléchir un peu. Je suis quand même poli parce que c'est un podcast de culture qu'on fait ce soir. Faut faire attention à ça parce que la personne peut lire les commentaires. Toi, tu penses que tu réponds sur une publication d'un de tes amis. Ouais. Mais en fait, avec le nouveau Facebook, vu que ton autre personne... Mettons, toi, Joe, t'as écrit sur la photo de quelqu'un, mais que je suis ami avec toi. Si la personne n'a pas sécurisé son contenu en suivant la règle numéro 1 de l'étiquette sociale, si elle est publique, moi, je peux aller écrire là-dessus. Ouais. Donc, faut faire attention à ce qu'on écrit sur Facebook. Le problème qu'on peut avoir avec la désinformation aussi, c'est quand ça commence à circuler et ça devient viral. Ouais. Là, on touchait une corde, c'était que la désinformation volontaire et la désinformation involontaire. C'est là que la responsabilité sociale, c'est un peu niaiseux parce que il y a une honte un peu qui se fait dans la vraie vie qui ne s'est pas transposée sur Internet. Voulant dire, on est à table présentement, on est en train de souper en gang de chums. Puis là, on parle, puis « Hey, tu sais pas quoi, Joe? » Là, tu vas dire « Quoi? »« Quoi? » Le Rick va faire « Ah oh, ouais, qu'est-ce qui se passe? » De quoi vous parlez, ouais. Il y a eu un feu au Saguenay. Oh. Ça a tout brûlé, puis là, voilà. Puis là, vous autres, la première affaire que vous allez faire en 2014, c'est sortir tout de vos téléphones, Google, des affaires de même, regarder LCN, regarder Radio-Canada, regarder partout, vous allez essayer de trouver une information parce que vous êtes des gens allumés, des gens qui ont une responsabilité sociale. Mais sur Internet, c'est pas ça. Le monde contre-vérifie pas les faits, puis le monde, ils font juste parce que c'est facile, on fait share. Puis comme tu dis, le monde lit l'entête. Ça, c'est prouvé. Feu aussi. Au Saguenay. Ouais. J'ai même pas lu c'était quoi, je le partage. Hey, il y a un feu au Saguenay, watch out. Puis les gens, à ce moment-là, ils prennent pas... Comment je peux dire ça? Ils prennent pas pour acquis que ça a été vérifié auparavant. En fait, non, ils prennent pour acquis que ça a été vérifié auparavant. Ouais, parce que ça... C'est la presse ou le devoir qui l'a sharé, fait que ça doit être vrai. Puis c'est... Moi, je trouve ça dommage, puis je trouve ça dangereux à la limite. Il y a quelques semaines, en plus, tu pouvais... je pense que c'était une erreur, mais en partageant quelque chose, un article, tu pouvais changer le titre. Fait qu'il y avait plein d'affaires, puis c'était juste avant les élections, c'était comme Legault, c'était quoi le parti à Legault en Québec, pas solidaire. Québec solidaire, ouais, le parti à Québec Legault. Solidaire? Ouais. OK, j'avais l'autre... non, c'est qui est Amérique-Adier, c'est Amérique-Adier, Québec solidaire. C'est pas parti de la Ségresse, ça? En tout cas, l'affaire à l'autre qui se donne Legault, là... Ben, ça disait genre, hey, lui, il est prêt à légaliser toute la marijuana, puis tu lisais l'article, puis ça parlait fuck all de ça... Mais c'est juste quelqu'un qui a changé le titre puis qui l'a partagé. Fait que là, tu penses que tu vas lire un article qui parle de Legault qui veut légaliser quelque chose. Et dans le fond, ça n'a aucun rapport. Puis il parle de musulmans dans des hôpitaux. Puis t'es comme, what the fuck, il est où le bout du pote? Tu sais, c'est je l'ai lu. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, après, j'ai catché. OK, ils ont changé les titres en sharing. Tu t'es fait troller? Non, mais tu t'en rends compte en lisant l'article, mais... Fait que dans le fond, on se renseigne sur notre propre compte. On se renseigne sur les répercussions que ça peut avoir. On fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ce qu'on publie. Et surtout, on se renseigne avant de partager quelque chose. Mais ça m'amène à un autre point de l'étiquette sociale. Puis ça, je l'ai remarqué personnellement cette semaine. J'ai posé certaines questions sur mon Facebook, sur Twitter, des choses comme ça. Puis je vais le faire très, très théâtral, mais j'ai demandé, admettons, qu'est-ce qui est meilleur, un orange ou une banane? Et dans certaines réponses que j'ai eues, on me suggérait d'aller au Maroc. On me disait que les kiwis, c'est vraiment meilleur que ces deux fruits-là. Puis, à un moment donné, il y a deux personnes qui se sont mis à s'astiner sur ma publication à propos de quelle équipe gagnerait les séries de hockey. Voulant dire, il y a une autre étiquette que je trouve qui est plate, puis que ça se passerait pas encore une fois dans la vraie vie. Deux personnes ont une conversation. Moi et Joe, on parle présentement de Pokémon, d'une passion et d'un enflammé, c'est incroyable. Puis Eric, il nous coupe la parole en nous disant « Hier, j'ai écouté le dernier film de Pee-wee Herman. » Il y a des Big affaires, top en passant. Puis ça serait sûrement plus quelque chose du genre « Vous êtes deux caves. Moi, j'ai écouté le film de Pee-wee Herman. » C'est ça. « Shut the fuck up. J'ai gagné. Je m'envoie, guy. 420 blazed faggot. Ciao. » En termes anglais, c'est du « thread hijacking ». Dans le fond, je te vole ton statut ou des choses comme ça. Le monde n'a pas l'étiquette sociale de... Tu sais, quand on se fait élever, ta mère ou ton père, souvent la mère va te dire « Si t'as rien de bon à dire, tu dis rien, tu fermes ta gueule. » Le problème sur Internet, c'est au contraire. C'est si t'as juste du mauvais à dire, dis-le haut et fort et revendique-le jusqu'à ce que mort s'en suive. Le monde n'a pas de filtre en ligne. Puis cette étiquette-là, c'est perdu, ça devient... Il y en a qui n'ont pas de filtre. Puis je pense que... Je sais pas où que t'en allais, là. Je m'excuse de couper la parole puis de hijacker ton thread. Non, essaye pas. mais je veux dire, il y a une autre étiquette que moi, je dois ajouter, c'est qu'il faut juste qu'on les ignore, eux autres, là. D'un moi, côté, ce que j'allais faut pas qu'on nourrisse, ça, là. Ouais, mais c'est carrément la personne, des fois, qu'il faut que tu ignores, comme tu dis. Puis souvent, cette personne-là, c'est moi. Non, toi, je pense pas. Ben, ça dépend. Mais... Des fois, je vois des posts du monde, puis ça dépend quel genre de monde. Je sais le monde qui sont capables de voir du trolling, puis c'est un autre genre. Mais je vois un gars qui poste quelque chose bien normal, puis le gars, je le sais que c'est un troll hardcore habituel de l'Internet. Puis je m'envoie écrire juste en caps lock, first comment. La seule affaire que j'écris, c'est un gros ta gueule, puis je like tout. Il y a du monde qui dirait « Qu'est-ce que c'est ça? Genre, c'est chien, tu me coupes, tu me bloques, tu me cock-bloques pour l'univers du hip-hop, là, qui comprennent les termes. Là. C'est tu me laisses même pas le temps de m'exprimer. Première chose que tu écris, c'est en grosses lettres, comme si tu écris un « ta gueule ». Mais tu sais, venant de moi, c'est une joke. Ouais. C'est même plus méchant, mais faut que tu le saches. Puis si tu le sais pas, tu vas être offusqué comme ça se peut pas, puis c'est ça que j'aimerais voir. Mais dès que tu le sais, tu vas rire, puis tu vas continuer après en niaisant, puis ça va juste enclencher une conversation qui va se faire, comme André dit, hijacker par du monde qui va parler des séries du Canadien, puis après, quelqu'un va nous traiter d'épais parce que lui, il a vu, puis oui. C'est un peu le phénomène de l'anonymat sur Internet, qui est un anonymat qu'on a pu non. nécessairement, à moins d'avoir des faux comptes, mais c'est un anonymat plus l'Internet qui crée un genre de pseudo-personnalité émergente chez les gens qui vont faire exprès. Tu sais, comme toi, à un moment donné, c'est ta spécialité, tu le dis haut et fort, tu le revendiques, t'es un agitateur Internet. Tu deviens pris un peu dans ce cercle vicieux-là. Mais t'as des gens choix, qui savent pas dealer avec ça non plus. Mais le ratio de gens qui vont le faire, parce que, écoute, au Québec, on a de la difficulté un peu avec le deuxième degré. C'est quelque chose qu'on commence à avoir un peu plus, qu'on commence à exploiter. C'est drôle, mais... c'est quelqu'un qui me parlait de ça, une Française me parlait de ça à job, là. Qu'on a vraiment de la misère avec le deuxième degré au Québec. Puis c'est quelque chose que moi, je trouve pas que j'ai de la misère avec des fois, mais comme on dirait que ça te pique au début, puis là, t'es comme « Ah, OK ». Mais c'est vrai qu'on a de la misère avec le deuxième degré parce qu'on va tous prendre les choses au premier degré. Milton qui va dire « Ta gueule à quelqu'un », je suis sûr que 99,9% de la population ici va se sentir piqué par rapport à ça. Moins de connaître le contexte où Milton s'annonce d'avance, puis il fait « Moi, je vais dire de la merde, c'est juste une joke ». Puis la joke vient qu'elle excuse beaucoup les choses, mais au Québec... puis dans les médias sociaux, puis je vais parler de ça, c'est que présentement, dans l'absence du deuxième degré, dans l'absence de ces choses-là, les gens ne sont pas capables de différencier un troll qu'on nourrit. On l'entretient, ouais. Notre troll, puis il fait exprès. Puis c'est un agitateur. Mais c'est-tu pas un growing pain, je m'excuse de mon anglicisme franco-ontarien que je vais toujours faire, mais on est dans l'Internet, de comme nous, on, comme je disais tantôt, j'expliquais, je me sens chanceux d'avoir évité les réseaux sociaux dans mon adolescence, parce que j'ai évité de peut-être m'humilier ou de faire des conneries, puis en ce moment, il y a des jeunes qui sont prêts avec ça. Mais on n'est pas dans une période aussi où ce que là, il y a plein de plus vieux, comme il y a vraiment une gap de génération Internet en ce moment qui est énorme, là. Comme il y a du monde, mon grand-père, il a 75 ans, 76 ans, lui, il aime l'Internet un peu, puis il comprend le pouvoir, mais il y a plein de monde qui commence à embarquer dedans, qui comprennent rien. Puis dans le prochain 15-20 ans, là, ça va être différent. Là. Je pense que les gens vont commencer à... Ce que t'apportes avec ça, justement, tu sais, quand tu parles du prochain 15-20 ans, moi, ma vision des choses là-dedans, c'est que... Puis la raison pourquoi, tu sais, je vous avais suggéré de parler d'étiquette sociale 2.0. Là, le 2.0, ça se dit bien gros sur une feuille, mais... Tu sais, présentement, le deux tiers de mes arguments sont fondés sur le fait que les gens ne feraient pas ça dans la vraie vie. Voulant dire... Les gens ne feraient pas tel type de choses socialement autour d'une table avec leurs amis. Ils feraient peut-être en privé avec certains, mais publiquement, les choses qui se disent sur Internet ou qui se partagent ou qui se font ne se font pas en public. Moi, je crois que dans 20 ans, par contre, tu sais, présentement, on a peut-être un ratio où ta vie sur Internet, on est rendu qu'on peut, dire ça, on a une vie web puis on a une vie réelle. C'est deux choses complètement séparées. Ce sont deux choses séparées, mais le ratio, par contre... Ça va se rapprocher de plus en plus. Tu sais, on a peut-être un 20% de personnalité web, 80% réel. Voulant dire, on prend de l'importance sur le web, mais tu sais, je pourrais perdre mes 300 amis Facebook du jour au lendemain. Je m'en crisserais parce que j'aurais encore mes 15-20 amis très proches dans la vraie vie, puis ça m'affecterait pas. Sauf que quand je regarde des générations un peu plus jeunes que moi, je suis rendu à dire ça dans ma vie, ça m'effraie un peu, mais on dirait, eux, c'est l'inverse. C'est qu'on est peut-être plus à 80-20 pour certaines générations. Les gens qui ont 16 ans aujourd'hui, c'est peut-être rendu un 50-50. C'est peut-être rendu un peu plus poussé parce que ces gens-là, leurs amis... sur Facebook, c'est leurs amis dans la vraie vie. Et c'est hey, ça, c'est mes vrais chums, parce que c'est encore plus important pour eux, la personnalité qu'ils vont avoir en ligne. Puis ces gens-là n'agiront peut-être pas comme ça dans la vraie vie. Mais puis ça, je parle en dehors de mon chapeau, j'ai rien pour me battre. De plus en plus mince aussi, ouais. Parce que le monde plus jeune sont habitués à tout partager aussi. Mm-hmm. Combien de monde qui rencontrent par le web puis qui finissent par se rencontrer en vrai par après? C'est exponentiel par rapport à ça. Moi, je pense que aussi le monde met de plus en plus leur vraie vie là-dessus. Ouais. Puis souvent, se sentent pas mal. Comme, regarde, prendre un exemple. Moi, quand je trouve sur des profils, quand je tombe sur des profils un peu plus weird que je partage à du monde, puis que le monde font comme qu'est-ce que c'est ça, ce monde-là, puis nanana. Mais quand tu prends le temps de checker un peu le profil, puis l'entourage de cette personne-là, elle a peut-être 80, 125 amis, gros max. C'est toutes des danseuses ou des prostituées, genre, c'est niaiseux à dire, là, parce que des fois, je tombe des profils louches de même. Puis après, tu vois qu'elle poste une vidéo d'elle qui fait de la poudre dans une loge en train de s'habiller avec un tutu rose ou peu importe. Puis tu fais casser ça, mais... C'est la vie normale de son monde qui est dans son Facebook. Fait qu'il n'y a personne qui est offusqué. Tout le monde trouve ça bien normal. Puis elle trouve ça bien normal de partager ça. Puis tout. Puis c'est quand quelqu'un comme moi tombe là-dessus, il fait comme what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Il partage à tout le monde. Mais c'est en quelque sorte une désensibilisation des gens. Tu sais, c'est que mais dans 20 ces trucs-là ans, ça se passaient être... à lieu clos avant. Exactement. Puis maintenant, c'est totalement ouvert. Puis c'est dévoilé aux gens. Fait que c'est sûr que. Puis l'étiquette ça va être pire sociale en, va évoluer. En avançant, parce que tout va être encore plus accessible, plus facile. C'est rendu que tu peux poster en dedans de 10 secondes une vidéo HD de n'importe quoi à partir de ton cellulaire sans aucun fil, sans aucun rien. Avant, moi, j'avais une petite caméra, fallait que je filme avec mes cassettes que j'avais enregistrées, que j'avais rechargé mes batteries toute la nuit avant pour aller taper les affaires, amener ça, transférer dans l'ordi, faire du montage. Le CV en qualité qui faisait dur pas mal, puis l'uploader sur YouTube avant de pouvoir envoyer un link à mes amis de temps en temps par MSN, puis dire puis check là, mon vidéo. On a tout ça dans nos poches. En une minute, mon vidéo. Puis une minute, c'est fort. Ouais, en plus, j'exagère. LTL, des choses comme ça. Tu rentres dans la chambre de bain, tu filmes l'autre en train de pisser dans un party. Ha ha ha, c'est drôle. Bang, une minute, c'est sur Facebook partagé par plein de monde. Mais l'autre étiquette sociale aussi, tu sais, puis c'est un peu. Puis c'est pas une étiquette, c'est plus de la responsabilité sociale, mais justement. Tu sais, je donne un exemple. J'ai vu, c'est récemment, quelqu'un qui s'est fait couper par un char sur l'autoroute ou quelque chose de même. On connaît pas les contextes. On connaît pas qu'est-ce qui s'est passé, rien. Mais là, on a une plaque d'immatriculation, un modèle de char qui est sur une photo qui se retrouve sur un Facebook de ce monde en disant « Maudit malade, tu m'as coupé, j'avais mes enfants dans le char. » Puis là, le monde, « Hey, si, bababababa, puis là, ça dégénère. C'est un cave, c'est un ci, c'est un ça. » Mais il y a des malades là-dedans aussi puis qui voient ça. Il y en a, c'est son adresse, vitres, j'ai trouvé ça à cause de tel site, puis nanana. Puis tu sais, on en parlait cette semaine. Ils sont pas responsables pour ça, par ben, exemple. C'est, mais ça, c'est ça me fait fucking chier, moi, ça me fait peur. c'est la responsabilité de nos contenus aussi. Moi, je veux pas mettre personne sur le spot, puis on est un podcast, on est moi, je on veux mettre quelqu'un avec sur tout le monde. Peux-tu mettre quelqu'un sur le spot? Ben écoute, je m'en allais le faire de manière détournée, mais... Moi, je vais y aller direct, okay, je m'en crisse, là. Mais l'affaire de culture de viol avec Nacho Libre, là... Ben, c'est un peu là-dessus que je m'en venais, ça m'a justement. Fait chier que les personnes qui ont visé sur ça, sur Nacho Libre, puis après ça, ils se lavent les mains, c'est comme... Regarde, moi, je veux juste que ça soit su. Comment est-ce que les gens réagissent à ça? Je suis pas responsable pour ben, ça. Ben, regarde, sans fuck réouvrir off, la là. Plaie là-dessus... Moi, je vais y aller de manière peut-être un peu plus politique que toi, Eric. Ben, c'est moi, il y a une affaire que j'ai trouvée plate, c'est que il y a eu des gens... qui ont utilisé les médias sociaux pour passer un message, puis je suis 100% à l'aise avec ça. C'est le fun de la conscientisation, puis c'est le fun de passer des messages, des choses comme ça. Mais quand on incite les gens à prendre action, on est trois autour de la table, on va avoir trois types d'actions différentes. Il y a dire ton opinion, puis il y a dire au monde, comme tu dis, de prendre... Inciter les gens à faire un geste. Cet établissement-là, s'est fait vandaliser étrangement physique, là, la même nuit. C'est ça, ouais. Puis ça, je trouve que c'est un des problèmes sociaux qu'on va avoir qui va malheureusement prendre l'ampleur dans les années à venir. C'est des trucs où les gens ne prennent pas, justement, dans vraie vie, les gens prendraient... Tu sais, on dirait pas, là, hey, c'est un bon... Tu sais, on se dirait à lieu fermé. On est trois autour de la table, puis hey, lui, il mériterait de se faire péter à la gueule, puis... On va se le dire, des choses comme ça. Mais là, ça. Tu le crées sur les médias sociaux. Mais là, c'est rendu qu'on a des tribunes où certaines pages vont avoir des auditoires de des fois des 1000, 2000, 10 000 personnes. Puis là, haut et grand. Puis moi, dans ma tête, ce que je vois avec ça, c'est une personne dans un auditorium. Il y a 10 000 personnes assises en avant. Cet établissement-là promouvoit la culture du viol, blablabla. On vous invite à prendre action. Voulant dire, je vous incite à faire des gestes. T'as 10 000 personnes devant toi, t'es contrôle comment ces 10 000 personnes-là? Puis le pire, c'est que légalement, ça, c'est quelque chose qui a des recours contre ça, puis tu te quittes. Mais présentement, c'est une zone tellement grise en ligne. Chacun est responsable de ses actes, techniquement. Ben c'est ça, puis ça devient de l'étiquette sociale, encore une mais fois. Mais l'incitation des actes, t'es pas nécessairement mais responsable. Mais il y a aussi dire une opinion, puis que quelqu'un décide par lui-même de faire quelqu'un... de faire quelque chose de concret. Tu sais, comme, dans le cas du Nacho Libre, je me souviens, il y a du monde qui incitait à faire des gestes physiques à l'établissement en tant que tel. Non, mais c'est je vais prendre un autre exemple. Oui, c'est ça que je dis. Il disait clairement. Je vais prendre un autre exemple. Gabrois avait déjà fait une vidéo qui montrait un mauvais service qu'une de ses amies avait reçu chez Kia Automobile, ouais, je sais pas ouais, où. Ouais. Il avait fait une vidéo, le gars était clairement un trou de cul, pas Gabrois, le vendeur, puis il était clairement heureux de fourrer la fille dans son contrat d'achat de char, puis nanana, puis tout. Gabrois avait juste exposé ça. Il a jamais fait aucune ligne dans son vidéo qui dit « Là, je vous incite à crisser le feu » ou « Moi, il y a du monde qui devrait mettre le c'est feu ». C'est une zone grise, par exemple. C'est filmé à son insu, par exemple, ça. Est-ce que le gars est au courant qu'il était filmé? Ça, je le sais pas. Je m'en fous un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas incité. Ben. Il n'a jamais parlé de quoi que ce soit à faire à ce commerce-là. Et 2-3 jours après que la vidéo a été postée, le concessionnaire a pogné en feu. Il y a des rumeurs qui disent que le gars a profité du hype autour de la mauvaise publicité de son commerce pour crisser le feu et avoir de l'argent d'assurance. Mais il y a aussi l'hypothèse qu'un fan de Gabrois est allé mettre le feu. C'est parce que j'ai un problème avec ça ici, parce que je sais pas de quel côté tu vas aller. Je suis pas d'aucun côté. Mais... je suis juste du côté qui a pas rien dit puis qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Il a dit son opinion. Ah, mais il y a une manière de non, dire son opinion. Parce que là, je trouve que McDonald's, c'est de la merde et que ces commerces-là ne devraient pas exister. Ouais, mais gros, ça, j'ai pas incité personne présentement. Puis si un de nos fans va crisser le feu au McDonald's de Terrebonne, là, c'est-tu de ma faute ou pas? J'ai jamais demandé. Si ouais, mais dis, d'un autre côté, t'as pas filmé personne. Tu dis McDonald's, c'est de la merde, j'aime pas ça. Il y a une limite à franchir. Ouais, mais tu vas me dire qu'audio, c'est correct, vidéo, c'est pas correct. Non, c'est non ça, au je veux contraire. Dire, des paroles, c'est correct, tes paroles t'appartiennent. Mais quand t'es rendu à filmer un autre individu, enregistrer. Puis ça, c'est des lois qui existent présentement. Ouais, mais ça, c'est encore pire. Tu vois clairement que l'autre individu, de son propre gré, honnêtement, de son cœur, était en train de dire ces affaires-là. Parce que là, s'il savait qu'il était filmé. Je comprends ton point, tu l'as expliqué. Donne-moi 30 secondes. C'est que moi, je t'explique, puis là, on est en train de parler d'un débat social. Ouais. On parle de l'influence des réseaux sociaux. Ça, c'est une loi qui existe dans le vrai monde. Fait que pense-en ce que t'en veux, parce que là, c'est rendu sur Facebook. Tu n'as pas le droit de filmer quelqu'un. Ou filmer ben quelqu'un c'est ça. À son insu. Parce que ça, à la limite, c'est une loi qui est en frein. Mais effectivement, ça pourrait revenir contre la personne. Techniquement, cette loi-là, avec toi, la seule affaire que cette loi-là a, c'est pas ce que tu viens de dire, c'est qu'elle ne peut pas être utilisée comme preuve si la personne n'a pas accepté quelque chose. Oui. Si tu le filmes à son insu ou peu importe, tu peux. Il n'y a aucun trouble avec ça. Tu peux pas. Oui, mais la personne peut te demander de retirer le vidéo, les choses comme ça aussi également. Mais il ne l'a pas fait. Oui, mais d'un autre côté, c'est là que ça a venu attaquer une personne directement. Ça a venu attaquer un service directement. Il y a des canaux en place. Ça a pris de l'expansion. Puis d'un autre côté, la responsabilité de Gabrois dans un cas comme ça. Puis ça, je suis content que tu aies pris un exemple comme ça parce que ça, c'est un gars que. Il a tellement pas assumé pendant longtemps de temps que là, il s'est fait mettre au pied du mur, puis là, il a pas eu le choix d'assumer, puis il a fait un retrait. Ben, en tout cas, je veux pas embarquer dans le débat, mais je pense qu'il a assumé depuis très longtemps et qu'il assume tout depuis. Je le suis depuis longtemps. Peut-être, et il a toujours assumé tout. Où je veux en venir avec ça, c'est que ça l'a rattrapé, puis là, il était rendu à un point de non-retour. Ah, où ça, je suis d'accord aussi avec gros. Toi. Fait que tu sais, des agitateurs dans ce sens-là, toi qui vas dire ta gueule à quelqu'un, c'est correct. C'est de l'étiquette, tu trolles un peu, t'as pas fait de mal à la personne. Mais quand c'est rendu que. Tu utilises des médias sociaux pour mettre des vidéos du monde, pour dénoncer puis te rendre justice toi-même. Mais c'est un autre utilisation. C'est comme le gars, là, j'ai oublié son nom. Là, Bonin? Non, pas Bonin. Le gars là, qui avait passé à JIA, qui se faisait justice lui-même en poursuivant des pédophiles. Là. Oh, Monsieur Lacerte. Danny Lacerte. Moi, personnellement, des gens qui se font justice soi-même comme ça en utilisant les médias sociaux, c'est un sujet que je trouve très touché parce que la justice ne devrait pas être dans les mains d'une personne. Il y a des lois qui existent, il y a un système judiciaire qui a des failles et des choses comme ça. Mais quand c'est rendu que les gens, puis ça fait partie de l'étiquette des médias sociaux, puis je suis content qu'on en parle parce que oui, on n'est peut-être pas tous d'accord autour de la table, mais il y a des limites à ne pas enfreindre. Puis présentement, c'est une tournure, puis il va falloir que le monde l'adresse à un moment donné, ça là-dessus, parce que ça peut être aussi anodin que l'intimidation, du slut-shaming, des affaires comme ça. Mais qui dit, ce gars-là, s'il a passé une mauvaise journée, ça peut être ça. Comme il y a des différents canaux. Puis peut-être que le gars quoi, peut mais... perdre sa job. Puis... Non, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a des différents canaux au lieu de le mettre à la place publique à ce niveau-là. Là. C'est le manque que moi, je vois. C'est un manque de responsabilité. Quand les gens se rendent justice eux-mêmes, c'est là que les limites sont dépassées. Puis ça, c'est selon moi. Moi, je trouve qu'il y a un niveau de justice que je suis d'accord avec toi. Dénoncer un geste, une fraude, une malhonnêteté, quelque chose de pas juste, c'est un moyen qui est... Les réseaux sociaux ou les vidéos, peu importe ce que tu fais, est un moyen de plus donné au peuple et accessible pour eux de s'exprimer. Puis, t'es pas obligé d'être d'accord avec lui. Là. Si Bonin, il y a 100 000 personnes qui l'écoutent, là, ça doit être parce qu'il rejoint du monde. Moi, je l'haïs pour mourir, ce gars-là. Mais je peux te dire de quoi, excuse, mais c'est parce que je suis d'accord avec toi que c'est un excellent outil pour se défendre. Mais cet outil-là aurait pu être utilisé directement au concessionnaire Kia sans le mettre en public. Non, parce que son patron ne voulait rien savoir. Si tu avais vu la vidéo avant d'en parler, Eric, je suis sûr que tu l'as pas vu, puis que tu n'as rien vu de ça, tu saurais que le gars... Don't give a fuck. C'était le président de la place, puis il disait juste « Fuck you, tu me payes ton 600$ par mois, t'as signé le contrat, t'as fait ci, je te l'ai mal expliqué, mais t'as pas lu le fine print ou quelque chose. » Ce que Gab faisait juste expliquer dans son vidéo en montrant « OK. » Puis le gars, tu sais, c'était vraiment... Tu sais, comme le gars tout seul devant sa caméra dans son... Il y a Canada que tu peux aller à... Le gars dans sa chambre là, ou son salon ou peu importe où que son ordi est, qui fait juste dire des faits pas fondés. Je trouve ça plus de la bullshit qu'un gars qui est carrément allé filmer le gars du dépanneur, du concessionnaire, du magasin à son insu, puis qu'il l'a vu live. C'est comme les garderies, que les parents qui cachent des caméras puis qui dénoncent une gardienne qui bat son enfant ou de quoi. Ouais. Il l'a caché, c'est à son insu, puis c'est vrai parce que la personne ne le savait pas. Aussi. Si la personne le sait pas, puis c'est dans son commerce, puis tu y vas à tous les jours te faire fourrer. Je vais juste vous arrêter deux minutes, les boys, parce que ça devient personnel et ça devient très démesuré. Là. Mais moi, je suis d'accord avec tout ça. Le point, par contre, est que dans l'étiquette sociale, dans l'impact des médias sociaux, dans le monde d'aujourd'hui, puis là, on réinventera pas la roue à soir, puis le feu n'est pas réinventé, puis là, ça commence ça escalade, puis c'est correct. Là. Regarde, on a des opinions, puis on les défend, puis c'est correct avec ça. Mais il y a une responsabilité à prendre dans la vie, peu importe l'exemple qu'on va donner, peu importe la situation, qu'on ait vu le vidéo, qu'on ne l'ait pas vu, que ce soit un dealer qui a Gabroy, Mathieu Bonnet, mais Lacerte, n'importe qui. Je suis d'accord totalement avec toi que tu as une responsabilité, peut-être, en quelque part, à poster ton opinion ou quelque chose. Dire responsabilité sociale oui. à un point de l'impact de ton vidéo ou quoi que ce soit, je trouve que c'est poussé loin. Ben, t'as décidé de le mettre en ligne, fait mais, faut que t'assumes. Oui, mais OK, quand t'as... Je vais prendre un exemple, mm-hmm. là, puis je vais prendre Bonnet comme exemple. Mm-hmm. Quand t'as 100 000 fans, mm-hmm. auditeurs, personnes, je m'en dis visionnaires, mais monde qui visionne tes vidéos, peu importe, et que tu es conscient que tu as 100 000 fans, peut-être que tu as une autre vision à prendre ou façon de la personne qui passe aux nouvelles le soir, là, mais, elle peut pas dire ce qu'elle veut parce qu'il y a des répercussions. Mais prends le même Bonnet, là, mm-hmm. il y a 5 ans, 4 ans, quand justement Gabroy l'a posté son premier vidéo en disant « Checker ce gars-là comment il a de l'air épais en train de péter une coche, que c'était un gars normal comme vous autres, puis moi, puis peut-être encore moins vous autres, puis moi, qui avait plus ou moins la conscience du web à ce moment-là, puis qui venait juste d'avoir un sel, qui faisait ses maudits vidéos sur le vertical et non l'horizontal, parce qu'il avait pas catché de mettre son sel sur le mm-hmm. côté, tu sais, des enfants de la main, qui s'est filmé parce qu'il a pété une coche juste parce qu'Hydro-Québec avait monté les prix, puis que ça y a pété d'en face ce mois-là, puis qu'il a pété les plombs, puis qu'il a dit « Moi, je vais me filmer en train de péter les plombs. » Ce gars-là, il avait-tu une responsabilité sociale à ce moment-là, en postant de quoi à ses 42 amis, puis qu'il a eu la malchance ou la chance de se faire partager ouais, par mais... quelqu'un comme Gabroy? À ce moment-là, il n'avait peut-être pas. Non, effectivement. Mais maintenant, lui. Oui, effectivement. Fait que quelqu'un qui reprend son vidéo d'il y a 6 ans, puis qui l'écoute en 2014... Y a-tu encore la responsabilité du gars? T'sais, t'es responsable de ton contenu. Tu l'as publié, t'es responsable. Mais tu comprends que l'ambiance ou l'état d'esprit dans lequel il était quand il l'a posté était différent. Mais je comprends ton point. Moi, la seule affaire que je dis, c'est effectivement, regarde, quand t'as 100 000 personnes, quand t'as 40 000 personnes, quand t'as 20 000, quand t'as 5 000, quand t'as 10 000, quand t'as 5 personnes qui te suivent, oui, il y a certains niveaux. Puis justement, quand tu te sers de ton auditoire, parce que là, on s'entend, là, puis on va boucler la boucle pour vrai, là. À la base, le Nacho, qu'est-ce qui est arrivé? Ben regarde, ils ont fait une joke qui a été jugée de mauvais goût à certaines personnes. Le Nacho avait sa part de responsabilité à prendre en disant « J'ai mis cette joke-là en ligne, faut que je l'assume. » Mais d'un autre côté, la personne qui a dit à un auditoire de plusieurs milliers de personnes de prendre action doit assumer. Puis à la limite, même juste en partageant puis en incitant les gens indirectement, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'incitation. Il y a des gens qui vont dire directement « Va péter vite. » Puis il y a des gens qui vont dire « On vous invite à prendre action. Faites ce que vous jugez qui va être adéquat. » Puis il y a du monde qui font juste dire « Moi, je suis pas d'accord avec ça. » Puis ça finit là. C'est ça. Puis c'est ça qu'il faut, en quelque part. Mais en même temps, pour revenir à la fin. Mais puis pour rester sur le même sujet aussi, là, mais avant la fin, faut que, en niveau d'étiquette, faut que tu comprennes le pouvoir que ça tient, ça, ici. Là. Ben, c'est un gros pouvoir, les médias sociaux. Puis c'est comme si on a tout un gros lightsaber, que si on dit la mauvaise chose, on peut trancher la tête de 5 personnes, pour de vrai, quasiment. Faut qu'on fasse attention à ça, puis faut qu'on on protège ça aussi. Québec est arrivé là-dedans en 2014, avec l'affaire Gabroy, là, puis les Sophie Durocher qui veillent folle, parce que je me fais intimider. Ouais, mais puis... non, mais c'est pas juste 2014, là. Ah, non, regardez le Québec, printemps érable, ça là, c'est ben, tout ça, là. C'est tout ce pouvoir-là. Ça a commencé là un peu, c'est vrai, au Québec. Faut pas oublier que, tu sais, un autre de nos étiquettes sociales qu'on a déterminées ce soir, c'était la responsabilité de se renseigner avant de publier du contenu. Fait que, tu sais, les gens, dans le fond, là, on est... S'il y a un thème dans toute l'étiquette sociale 2.0 par rapport à ce monde émergent-là, c'est la responsabilité à tous ces niveaux. On est responsable de se renseigner avant d'ouvrir un compte sur un média social. On est responsable de nos options de sécurité, de nos options de diffusion. On est responsable de se renseigner avant de partager pour pas encourager... La mauvaise chose dans le sens. Cherche un mot. L'idiocratie. L'idiotisation du peuple. Tu sais, la dégénérescence de la culture et de l'intelligence. La stupidité exponentielle. Stupidité exponentielle. J'adore le mot. Mais on est responsable de ne pas encourager et propager la stupidité exponentielle. On est responsable aussi du contenu qu'on publie et les répercussions qu'il peut avoir. tu sais, veux pas, là. le thème total de la soirée, c'est ça, c'est la responsabilité. Mais je dis, with great power comes great responsibility. Peter Parker. Spider-Man. Mais après, en fait, l'oncle, je suis très d'accord avec toi, puis tout ce que Ben Parker a enseigné à Peter. Mais c'est aussi à la base, c'est avant quasiment d'ouvrir quoi que ce soit comme compte. De peu importe les médias sociaux là, avant même de prendre tes responsabilités puis de checker tes options, c'est faut que tu sais qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Ben, faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Dans quoi tu t'embarques, puis tu le fais-tu, parce qu'il y a plusieurs dans l'échelle là de qu'on a parlé de Webstar, ouais. À la matante là, il y a du monde, il y a plusieurs catégories là, puis tu peux être OK, c'est con à dire, mais partir un profil en disant « je deviens une webstar », c'est un peu peut-être avoir être un but de soi-même. Ça peut devenir ça, ça peut être un but, mais commence par te dire « je vais faire du social networking ou quelque chose, puis je vais espérer que ça grossit. » Good for it. Mais il y a le monde qui vont vouloir être juste méchant avec toi, puis qui vont se faire un faux profil. Puis ça, c'est du monde qui vont s'inventer des noms, puis qui... Même à la limite, le nom sonne méchant, puis le monde veut que tu le saches qu'il est pas là pour niaiser. Puis ouais. Dès que tu vas les ajouter, cette personne-là va aller commenter tes photos, puis haineuse, puis être méchant. Il y a du monde qui vont être eux autres même, des vrais profils. Ouais. Il y a aussi du monde qui vont se faire des faux profils, que tu vas penser que c'est une autre personne. C'est une jeune fille cute de 22 ans qui va au cégep de Rimouski, mais dans le fond, c'est un dude de 44 ans. Arabe de Laval, genre, tu sais, ou quoi de même. C'est con à dire, mais si t'es ce dude-là, là, sois conscient que tu veux te faire un profil de petite fille, puis fais-les de la bonne façon, puis tu vas tout chier. C'est, peu importe qui, là, gère tes affaires, puis après, prends la responsabilité de ton compte, de qu'est-ce que tu veux faire avec, puis deviens la web personnalité que tu veux être, que ce soit ta matante tranquille, ou le gars comme... Je veux pas faire une plug gratis, mais tout le monde le connaît, je pense, Grand Talent sur Facebook. Que personne ne sait c'est qui en même temps, mais tout le monde sait c'est qui. C'est des petits textes de la vie quotidienne drôle. Puis c'est pas une vraie personne, mais c'est une vraie personne. Moi je pense que, premièrement, je suis fier de nous autres ce soir parce que c'est un sujet, tu sais, puis on a eu un débat quand même assez émotif, qui est resté quand même constructif. Ben, je pense que c'est à cause que, autre que notre social networking de podcast, qu'on fait tout un peu en équipe et dans la même vision et direction, on a tout un petit peu des similitudes, mais aussi des particularités différentes de ce qu'on fait avec nos Facebook. Moi, je niaise beaucoup, puis je le sais. Mm-hmm. André fait beaucoup de questions sociologiques, je trouve. Éric, tu fais des critiques sociales, des questionnements, des désolé. Plein d'affaires, du local Hochelaga. On s'en j'aime sert j'aime rappeler les gens que j'existe à mon insu. Aussi, tu sais, on s'en sert tous d'une façon différente puis commune en même temps. Fait que je pense que c'est pour ça que mais y a des petits clashs, mais... Tu sais, tu m'aurais dit, là, 38 épisodes... André, on fait-tu un épisode où on va parler de comment se tenir sur des médias sociaux et des choses comme ça? J'aurais jamais été prêt à prendre le podcast et à dire « OK, les boys, on fonce là-dedans. » T'aurais dit « On va se rendre à 38? » Premièrement, j'aurais dit « On dépasse les 10 épisodes. Good for us, ça va bien, on est en business. » Mais on a pris une certaine maturité où il y a un climat où on est à l'aise de parler entre nous puis parler surtout avec nos auditeurs, parce que ce qu'on a fait ce soir, veut pas, ce qu'on a dit... Ben, lundi prochain, c'est un MP3 qui est disponible sur iTunes avec une cote de 5 étoiles. Pour toujours. Mais pour toujours, que les gens vont pouvoir aller écouter, puis il faut assumer justement donc notre responsabilité sociale envers notre projet, mais il va falloir qu'on l'assume. Mais je suis fier de nous autres parce qu'on a été capable, dans une manière ordonnée, même si on a eu des débordements, on est réputé pour ça, fait que tout va bien, d'aborder un sujet comme l'étiquette sociale. Les gens vont pouvoir en tirer les conclusions qu'ils veulent, puis moi, je suis vraiment curieux, puis je veux avoir l'opinion des gens qui vont écouter l'épisode. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, ben bravo, puis merci parce que vous nous encouragez. Oui, on n'a peut-être pas parlé autant de jeux vidéo, puis de Star Wars, qui a eu des annonces cette semaine, ou de hockey, ou de choses comme ça. On a parlé de hockey. Mais vous êtes à la fin, vous nous avez écoutés, mais moi, je suis très curieux de savoir vos opinions. Qu'est-ce qui est un faux pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La responsabilité, justement, ces médias sociaux, ça ressemble à quoi? Puis cette information-là, puis vos raisonnements, puis vos pensées, puis vos commentaires, on les veut sur Facebook, au facebook.com/geekcollectiflepodcast. On les veut également sur Twitter, @geekcollectif. Vous pouvez interagir avec chacun de nous autres, des collaborateurs, directement via notre Twitter. Sinon, il y a le bon vieux courriel aussi également, podcast@geekcollectif.com. On veut entendre parler de vous, on veut interagir avec vous. Merci aux gens qui étaient avec nous ce soir sur le chat, twitch.tv/gcpodcast. À chaque fois qu'on enregistre, on essaie d'être en direct. Des fois, ça plante, mais on n'est pas responsable d'Internet. On est responsable de ce qu'on dit, mais pas de l'état de l'Internet. Désolé pour mon routeur ce soir qui a eu chaud. Mais les gens qui veulent interagir avec nous autres, ben Milter, toi, les gens qui veulent te parler via Twitter. Zombie Milter sur Twitter, Milter187 sur Instagram et Xbox, puis sinon, ben mon nom sur Facebook. Allez surtout pas mettre le feu à un commerce que je déteste. Fait que c'est ça. Éric? Éric Hébert sur Facebook, là, Montréalien un peu partout, Priced1387 sur Battle.net. Puis, shout-out à Denis Godmer qui m'a présenté l'Internet au début des années 90, qui m'a dit une leçon très sévère. Qu'est-ce que tu mets sur Internet? Reste sur l'Internet. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris 25 ans passés à peu près, puis c'est ma leçon de l'Internet. Des paroles pleines de sagesse. Les gens qui voudraient interagir avec moi, mon nom c'est André Paquette sur Facebook. Sinon, vous pouvez me contacter via Twitter, @uzumakiqc. Je suis disponible sur les plateformes Origin, Steam, Xbox Live, etc. pour UzumakiQC également. Envoyez-nous vos commentaires, vos idées, vos interactions sur nos médias, mais surtout, encouragez le podcast. On fait ça par passion, on fait ça par fraternité entre nous autres, on fait ça pour partager avec vous. Fait que c'est sûr et certain qu'on aime ça avoir de vos commentaires. Par iTunes, tiens, sous la forme de quelques étoiles variant entre 3 et 5 qui vont nous aider à avoir de la visibilité. Ou sinon, vous pouvez tout simplement partager les liens de nos épisodes aussi, ça nous encourage beaucoup. Merci d'être avec nous semaine après semaine. Merci d'être avec nous dans 2 semaines pour notre périple à Ottawa aussi également. Comic-Con! Ça va être boys, ça va être écœurant. J'ai bien hâte de voir Nick aussi. On va faire plein de petits épisodes en plus, je pense. Fait que ça va être pas juste un 40e, ça va être des mini car episodes. Il va y avoir un 40, 40.5, 40.6, 40.7. Les suites, motherfucker! Les suites également là-bas. Nick va être avec nous autres. On va vous envoyer beaucoup de contenu. On va vous envoyer des belles photos, des choses comme ça sur le compte Instagram, @geekcollectif. Merci d'être avec nous autres. On se laisse sur une excellente chanson de flûte. Milter? Flute Drop. Thank you.